Salut les gens, c'est Eric et vous écoutez ou vous regardez le jeu de rôle en mode facile, les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, un entretien avec Kellren, auteur, éditeur, traducteur. Nous avons passé plus de 2 heures à discuter ensemble de ses créations, de ses traductions, de son processus créatif. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. Malheureusement, je préfère vous prévenir à l'avance, il y a eu un petit souci lors de l'enregistrement. Je ne sais pas si c'est mon micro qui a eu un souci ou si c'est OBS en lui-même, mais j'ai perdu tout le son de ma voix. Par conséquent, comme c'est quand même très intéressant, je vais vous le proposer, mais j'ai décidé de me re-enregistrer pour faire les questions en fonction des réponses de Kellren. Voilà, ça sera un peu plus haché, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, mais j'espère que vous aimerez quand même parce que c'est vraiment très intéressant. Je ne vous embête pas plus et je vous dis à tout de suite pour l'entretien avec Kellren. Bienvenue Kellren et merci d'avoir répondu à cette invitation, à cette sollicitation de ma part. Je suis désolé, j'ai coupé la partie où tu me réponds merci machin et on se fait les politesses parce que c'était un peu compliqué pour le montage. Mais pour commencer, pour ceux et celles qui n'auraient pas la chance de te connaître, peux-tu nous présenter ce que tu fais, depuis combien de temps et quel est en gros ton parcours rôliste, s'il te plaît? Bah, je fais ça donc vraiment d'un point de vue professionnel. Hein. Je fais partie de ces fous qui sont vraiment lancés professionnellement là-dedans depuis fin 2015, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai d'abord lancé un Tipeee Patreon et puis avant de faire un financement participatif avec The Sprawl. C'est peut-être pour ça que je suis le plus connu, je pense. The Sprawl, c'est un peu le plus gros succès que dans mon catalogue, donc The Sprawl, qui est un jeu de rôle cyberpunk, j'aurais tendance presque à dire l'un des meilleurs JDR cyberpunk disponibles actuellement. Et entre-temps, donc depuis presque 10 ans, j'ai pu sortir notamment Dominion, jeu de pouvoir et maison noble, donc qui permet plus de faire du de l'intrigue, du politique, un peu dans un univers à la Dune ou Fading Suns. Là aussi propulsé par l'Apocalypse, ce qui permet de pas être forcément des Machiavel en puissance, mais d'avoir quelque chose de beaucoup plus fun en termes de jeu de rôle. Et récemment, bah, j'ai sorti Passion de las Passiones, qui émule les telenovelas, qui est un jeu absolument génial, dont ouais, c'est en 2017 qu'il y avait une version qui avait commencé à être diffusée, auquel on avait joué. Et après de longues années, le temps que ça sorte en VO, j'ai enfin pu le sortir là, très très très récemment, il y a quelques mois. Et c'est vraiment que du bonheur qu'ils soient enfin disponibles. Et c'est vraiment un super jeu, hein, même si tout le monde dit ah, telenovela, ça doit être n'importe quoi. Mais en fait, non, il est vraiment extrêmement solide et extrêmement fun à jouer. Donc voilà en gros à peu près. Alors après, mon catalogue est quand même un peu long comme le bras malgré tout. Je sors des fois des gros jeux. J'évite de sortir des petits jeux parce que ça marche assez peu en fait par rapport à l'investissement en termes de temps que je passe pour la création même d'un petit jeu finalement. C'est pas très rentable en général. J'ai plutôt tendance à sortir des gros jeux. J'ai même d'ailleurs plutôt tendance à sortir des traductions, puisque pareil, en termes de temps, parce que moi, du coup, c'est mon boulot, donc il faut que ce soit un peu rentable quand même, d'une certaine manière. Et en gros, les traductions, comme ça bénéficie d'un effet de reconnaissance, puisque la VO existe et est connue, hein, c'est plus rentable, en fait, que de passer énormément de temps à concevoir un jeu et à le sortir. Donc, du coup, un peu par dépit, je suis un peu obligé de faire de sortir des gros jeux et plutôt de faire des traductions, quoi. Voilà. Mais des fois, quand même, je me fais un petit plaisir et je sors soit des petits jeux, soit des créations. J'imagine que dans le cadre de la traduction, tu dois quand même reverser une partie de tes gains à la personne qui détient les droits sur la licence, le jeu que tu traduis. Est-ce que du coup, faire la création, ce serait pas quelque part moins cher? Ouais, mais pas suffisamment en fait, puisque de toute façon c'est du proportionnel, donc c'est effectivement c'est plus rentable par rapport à, enfin, tout le boulot que tu vas devoir faire pour faire de la création, puisque bah, c'est pas juste donc en tant que créateur, effectivement on va gérer le texte effectivement, puisqu'on conçoit le jeu, donc déjà ça demande pas mal pas mal de temps pour tout ça. Mais tu dois aussi créer des ressources graphiques, tu dois aussi, enfin, je veux dire, le jeu de rôle est quand même une œuvre composite assez complexe. Il faut avoir plein de compétences et plein de talents différents. Et du coup, faire de la création, bah, c'est extrêmement cher, en fait. Et comme moi, je suis un indé, comme je fais des jeux qui sont un peu alternatifs, c'est pas du Donjons et Dragons, je vais pas vendre des dizaines, voire plus de milliers d'exemplaires. Donc c'est un pari relativement risqué. Après, effectivement, en plus, moi je fais l'impression à la demande, donc ça, ce qui vient encore plus diminuer enfin, ce qui rajoute davantage le côté indé. Et donc qui diminue un peu le nombre de ventes, je pense. Ouais, en gros, l'analyse que je fais, c'est plus rentable pour moi de bénéficier des gens qui attendent la VF d'un produit, d'un jeu de rôle, et de le sortir la VF, quoi. Sachant que j'essaye, quand c'est possible, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible, hein, parce qu'effectivement, il y a quand même une notion il faut que la traduction soit fidèle des fois, donc tu peux pas faire forcément tout ce que tu veux, mais j'essaye des fois d'améliorer le produit en VF pour que ça ait du sens pour les gens de racheter la VF, surtout s'ils ont déjà la VO. Comment tu choisis les jeux que tu vas traduire? Tu regardes un peu le potentiel du jeu? Combien il a fait de téléchargements sur Itch.io, la version anglophone? Combien il y a eu de ventes? S'il y a un financement participatif, combien il a rapporté? Ou tu regardes si toi le jeu te plaît et qu'est-ce qu'il va t'apporter à toi en tant que joueur ou meneur de jeu? Un peu les deux quand même. Il faut que ce soit clairement un coup de cœur. Enfin, je veux dire, il faut que je trouve le jeu bon, hein, pour m'y intéresser. Je veux dire, tu vas passer quand même pas mal d'heures dessus. Donc, si c'était juste pour la thune que tu fais ça, enfin, ce serait saoulant. Et puis, comme de toute façon, tu sais que ça va pas forcément être particulièrement rentable, hein, autant faire quelque chose qui nous plaise. Donc, ouais. Donc, j'ai tendance à effectivement à choisir, quand même, un jeu qui va me plaire, un jeu que je trouve intéressant, qui apporte quelque chose, je vais considérer que c'est important qu'il soit à disposition du public francophone. Mais bah oui aussi, il y a quand même des enjeux financiers derrière, quoi. Donc clairement, si c'est un jeu qui est dans un second temps, il y a quand même, ouais, effectivement des considérations financières. Si c'est un jeu où je sais qu'il va pas du tout se vendre, ouais, trop de niche. Est-ce que ça arrive que des gens te fassent des suggestions, genre tel ou tel jeu, on en parle beaucoup et tout est génial, et tu devrais le traduire, s'il te plaît, Kellen, traduis-le. Ouais, mais c'est clair que c'est très important, parce que bon, je fais un peu de veille, voilà, mais je suis aussi rôliste, hein, je joue donc c'est aussi ma passion, hein, effectivement, c'est aussi un hobby, donc du coup je joue pas mal, mais c'est clair que tu peut pas tout suivre non plus, quoi. Et du coup, de voir qu'il y a des donc c'est très cool quand il y a des gens qui te disent, hey, il y a ça qui est intéressant. Je sais notamment sur certains forums, il y a des gens, la traduction serait de tel jeu, on aimerait bien la voir, etc., etc. Je suis ça beaucoup parce que effectivement, c'est des fois des jeux que tu repères pas, parce que bah, il y a tellement de jeux qui sortent, en fait, que forcément tu peux pas tout voir, quoi. Et donc ouais, je suis très preneur de ça, parce que effectivement, si ça combine bien, s'il y a une demande, et si en plus c'est un coup de cœur, bon bah voilà, c'est parti, on va aller essayer de négocier les droits auprès de la VO. Du coup, quand tu négocies les droits avec les détenteurs ou détentrices de la VO, ça va, c'est pas trop compliqué, ça se passe bien. Ouais, clairement. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Encore une fois, je suis un petit indé, et le marché, en tout cas en tant qu'indé, on va être clair, hein, donc je suis vraiment un petit. Et du coup, quand on va s'adresser à certains éditeurs, donc en VO, qui sont donc souvent anglophones, puisque moi je traduis effectivement des jeux depuis l'anglais, ils n'ont pas la même vision du marché que nous. Ils sont sur un plus gros marché. Et donc, du coup, des fois, ce qu'ils demandent, c'est juste pas possible. Donc, il y a clairement des éditeurs, je sais que c'est même pas la peine d'aller. Je suis allé leur demander des trucs, et en gros, les conditions qu'ils demandent sont juste pas possibles pour moi. Ouais. Pour moi. Après, voilà, il va y avoir des plus gros indés que moi, et les grosses boîtes qui pourraient être capables de le faire. Évidemment, du coup, en général, c'est pas des jeux qui les intéressent, mais voilà. Mais en tout, moi, à mon petit, humble niveau, Je sais qu'il y a, voilà, il y a certains éditeurs qui vont. C'est pas la peine. Donc, En parlant du marché anglophone, est-ce que tu es impliqué dans les différentes communautés rôlistes anglophones? J'ai déjà entendu parler de Zone Rotlet ou ce genre de communauté anglophone. Est-ce que tu es impliqué dans ces milieux-là? Est-ce que tu discutes avec les gens, les éditeurs, les auteurs? Est-ce que tu traînes un peu tes lettres dans le milieu rôliste indé ou pas d'ailleurs anglophone? À une époque, ouais, j'étais pas mal impliqué, et puis je le suis un peu moins. En gros, ça date un peu de l'époque de Google Plus, quoi. Et c'est vrai que depuis Google Plus n'existe plus, je suis un peu moins présent sur la communauté anglophone. Du coup, c'est aussi pour ça que peut-être que j'ai parce que j'ai fait quelques contributions en anglais, et du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que même si on est sur genre Twitter, Blue Sky, Mastodon, etc., on est quand même dans un petit milieu, et donc ça, c'est quand même relativement facile d'aller parler avec les gens, surtout quand on est vraiment sur des jeux. Enfin, en gros, quand l'éditeur c'est l'auteur, bon, enfin voilà, il y a vraiment en général pas de souci. Mais même des éditeurs, tu peux aller finalement relativement facilement leur parler. Surtout comme ça fait presque 10 ans que je fais ça et que je commence à avoir, enfin voilà, je sors pas non plus complètement de nulle part, même si je pense que bon, ils connaissent pas vraiment et enfin clairement ils me connaissent pas. Mais bon, voilà, ça permet quand même de la petitesse du milieu permet, enfin la promiscuité du milieu permet de finalement d'aller taper à n'importe quelle porte. C'est relativement accessible, quoi. Donc ouais, non, je suis plus tellement sur des communautés anglophones. J'essaye d'éviter justement de passer trop de temps sur les réseaux, parce que ça bouffe tout ton temps et toute ton énergie. Donc même si c'est un désavantage en termes de communication quand même, c'est assez important justement pour un éditeur et surtout pour un indé. Mais donc je suis un peu obligé d'en faire quand même, mais ouais, j'essaye de me limiter et d'être plutôt sur la communauté francophone. Tu traduis les jeux des autres de l'anglais vers le français. Est-ce que tu as déjà eu l'idée de traduire un de tes jeux en français que tu as créé vers l'anglais pour, je sais pas, moi, toucher un nouveau marché? Non, non, non, effectivement. Alors, bah en fait, on déconseille ça. C'est-à-dire que normalement, tu t'es pas censé. Enfin, en gros, quand tu es capable de traduire, donc moi, je suis pas anglophone natif, hein, c'est pas ma langue maternelle. Et du coup, c'est plus compliqué et ce serait pas forcément très agréable à lire pour des anglophones natifs. Après, se pose aussi la question du c'est pas le même marché. Et du coup, je suis pas connu donc sur le marché anglophone. Et ce qui veut dire que les gens n'achèteraient pas. Enfin, j'ai pas d'impact. J'ai pas un réseau dans le monde anglophone. Donc, je serais assez intéressé de savoir, par exemple, des gens qui, comme Com ou comme Vivien, qui ont porté leur jeu sur le marché anglophone. Comment ça se passe pour eux? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils conseilleraient particulièrement? Parce que voilà, moi, je suis pas persuadé que ce soit. Ça demanderait un gros investissement en fait, en termes de temps, pour être présent et connu sur le monde anglophone, pour pouvoir ensuite porter tes jeux en dans ce monde, dans ce sur ce secteur-là, quoi, en gros. Mais ouais, là actuellement ce serait plus rentable, clairement. Ce serait un plus grand marché, donc ce serait plus intéressant pour moi, je pense, directement de sortir des jeux en anglais plutôt que des jeux en français. Mais étant francophone, c'est la communauté dont je fais partie, et donc c'est plutôt là où je sors mes jeux. Mais ouais, et du coup, donc normalement tu traduis pas pour des vers le vers une langue que dont t'es pas natif, quoi. Donc voilà, même si je pense que mon niveau d'anglais est pas mal, mais je pense qu'un anglais qui lirait serait quand même un peu gêné, quoi. Et du coup, il n'y a pas d'éditeur ou d'indé anglo-saxon qui t'ont contacté pour traduire un de tes jeux pour le marché anglophone. Non, je pense qu'il y a assez peu de enfin Non, effectivement. Et je suis pas persuadé que les Anglo-Saxons connaissent tant que ça les encore une fois les plus petits marchés, quoi. Et donc du coup les sorties dans le monde francophone, je pense que ça la ça doit leur passer à côté. Ils doivent passer à côté. Donc ça peut arriver, il peut y avoir des petites exceptions. Enfin, je veux dire, il y a quelques jeux de rôle francophones qui ont été portés en anglais, principalement plutôt pas chez les indés, quoi, si on doit penser à quelques succès. Mais voilà, c'est vraiment des gros jeux et du coup, c'est pas assez, encore une fois, c'est pas à mon niveau, quoi. Je passe sous le radar, quoi. Eric Newton, lui, avait carrément écrit Maketo Monster, un superbe jeu OSR que j'aime beaucoup, directement en anglais, et il l'a traduit vers le français bien plus tard. Est-ce que c'est un truc qui t'irait, toi, de créer directement en langue anglaise? Ouais, mais bon, après, c'est clair que c'est ce qu'il y a presque de mieux à faire, quoi. Mais après, bah voilà, Eric, il a un peu plus de poids que moi, quoi. Et donc, puis il est un peu plus anglophone que moi aussi, je pense, quand même. Du coup, Dominion ne sera qu'en français. C'est un jeu éminemment politique. Dans un milieu, moi j'ai déjà entendu beaucoup de personnes dire pas de politique dans mon jeu de rôle, j'aime pas les jeux de rôle politiques. Pourquoi un jeu politique? Qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la politique dans le jeu de rôle et de faire des intrigues politiques surtout? En fait, l'idée, c'est de, ouais, justement, de rendre fun le côté politique, que ce soit pas trop prise de tête. Donc, Dominion, si on doit remonter à la genèse du projet, en gros, on jouait pas mal à Imperium, qui est un jeu de rôle amateur d'Olivier Legrand, qui est donc basé sur l'univers de Dune, qui est très bien si vous voulez faire du Dune avec un système tradit, que je conseille, qui est plus gratuit, hébergé sur la cour de Béron, normalement. J'aime beaucoup personnellement Olivier Legrand. Je trouve qu'il a vraiment un don pour adapter des licences. Il va vraiment prendre tout le sel d'un univers, que ce soit d'une ou d'autre, et l'insérer dans ses jeux de rôle traditionnels avec souvent beaucoup de travail, beaucoup de recherches encyclopédiques, avec parfois des bouts d'univers dedans qui peuvent même plaire aux amoureux de la licence qui ne font pas de jeux de rôle, quoi. Bien sûr, clairement. De toute façon, c'était vraiment le cas. Il y a un énorme boulot, il y a énormément de suppléments. Ouais, clairement une valeur sûre. Donc, si vous connaissez pas, je vous invite. C'est vraiment. Et en plus, c'est disponible gratuitement. Donc, il n'y a aucune raison de pas se renseigner là-dessus. Mais effectivement, le système de jeu est quand même tradit. Donc, ça, là-dessus, bon, moi, j'ai. Bon, je joue depuis pas mal de temps, clairement, mais voilà, j'ai fait le tour du tradit, pour moi, c'est bon, c'est fini, ça m'intéresse plus trop. En gros, les jeux proposés par l'Apocalypse correspondent vraiment bien à ce qui m'intéresse et à ce que je recherche en jeu de rôle. Ça reste relativement tradit, finalement. En termes de partage de l'autorité narrative, souvent par un MJ, enfin voilà, les PJ gèrent les PJ, le MJ gère le monde, les PNJ, tout ça. Donc ça reste relativement simple, relativement tradit, mais c'est du bon tradit en quelque sorte avec des bonnes pratiques et surtout un système de jeu, des mécaniques qui, un système de résolution qui s'intéresse à la narration, en fait. Donc ça cadre vraiment bien avec tout ce que j'aime. Et je me suis dit, donc à l'époque, il y avait Legacy qui était sorti dans sa première édition, qui permettait, donc il y a un autre jeu propulsé par l'Apocalypse, qui permet de jouer en gros des maisons concurrentes, on va résumer ça, ou des familles concurrentes dans un monde post-apocalyptique, et de reconstruire en fait le monde. Il y a une deuxième édition depuis, pour laquelle j'ai contribué d'ailleurs, en VO. Mais la première édition, il y avait des soucis, ça marchait pas vraiment bien en fait. Donc du coup, ça a nourri toute ma réflexion. Cette campagne d'Imperium et Legacy pour proposer quelque chose effectivement, un jeu propulsé par l'Apocalypse. Donc je l'ai d'abord sorti sur mon Patreon Tipeee, si je dis pas de bêtises, une version Ashcan comme on dit. Donc une version un peu proof of concept quoi, vraiment un truc, une ébauche. Du coup, dedans, il y avait quoi? Juste des livrets de personnages et quelques manettes? Ouais, c'était un peu plus, je pense, quand même, un peu plus détaillé, mais enfin voilà, il manque quand même. C'est pas un bouquin de 250 pages qui comprend un peu tout ce qu'il faut, quoi. Il y avait, voilà, il y avait, c'était light. Il manquait des trucs, et puis du coup, ça permettait éventuellement de voir si ça tournait vraiment bien. Ça permettait aux gens éventuellement de me faire des retours, etc., etc. Donc ouais, il a dû sortir peut-être en 2018. Je pourrais presque vérifier ça, mais en gros dans ces eaux-là quoi. Et puis du coup j'ai fait un financement participatif derrière pour avoir des, enfin voilà, pour proposer un vrai jeu de rôle, avoir des illustrations, etc., etc. Du coup beaucoup de chance. Je trouve le bouquin est très joli justement. Ce que je savais là, je le savais bien C'était mon deuxième gros projet, en gros, après The Sprawl. Donc, The Sprawl a un peu, j'ai un peu appris toutes les erreurs. Enfin, bon, j'avais déjà un petit peu d'expérience quand même, donc ça, j'en ai pas trop fait, je pense, des erreurs. Mais voilà. Mais en gros, avec Dominion, j'avais, tout ce qui était Lulu et compagnie, je savais ce dont j'avais besoin. Enfin, voilà, j'étais dans les clous pour tout, quoi. J'avais aucun souci à prévoir tout ça. Genre ils font perdu par exemple? Bon, ça c'était ça faisait partie des choses que je maîtrisais déjà d'avant, mais typiquement effectivement le fait que quand tu la façon dont ça sort ensuite par rapport à une fois que tu passes par Lulu, tu as une différence entre ton fichier de maquette et la façon dont Lulu va l'imprimer. Et donc typiquement tu sais qu'en termes de maquette finalement il y a peut-être des bonnes idées sur le papier, en disant voilà je vais faire comme je vais faire ça, je vais faire comme ça. Tu te rends compte que bon bah on va peut-être simplifier en fait, parce que tu peux pas forcément faire des folies, et il vaut mieux éviter, voilà, il y a certaines choses peut-être à éviter. Donc Dominion on a énormément bénéficié, du coup j'ai réajusté pas mal de trucs, et ouais, et donc ça a été effectivement ça a été Dominion a été un projet de, ouais, effectivement, mon grand œuvre, en quelque sorte, pour jouer politique, dramatique, une sorte de dimension shakespearienne dans l'espace, avec effectivement ces trahisons, ces personnages qui sont faillibles, en fait. C'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que souvent, quand on joue politique, il y a cette impression qu'il faut jouer des personnages qui sont super intelligents, qui jouent aux échecs sur plusieurs dimensions, etc., etc. Tout ça, on y a joué, on le connaît, et c'est cool, mais c'est horrible, en fait. C'est très, très chiant, quoi. Enfin, moi, ça m'amuse pas du tout. Et déjà, donc, effectivement, les systèmes Apocalypse permet de faire des flashbacks, permet de gérer énormément de choses, donc de décharger énormément le travail du joueur, de la joueuse. Mais en plus de ça, de faire des flashbacks, etc. Enfin, on peut prendre en main la narration et faire des choses assez sympas. Et puis, ouais, surtout, moi, il y avait un peu cette idée de pas forcément de rajouter une dimension dramatique. Pour avoir vraiment des personnages dont c'est OK si on sait de base que leur destin va être probablement tragique. Donc il n'y a pas cette volonté de perdre énormément de temps dans de la planification, dans essayer de jouer pour prévoir tout ce qui peut mal se passer, pour prévoir tous les obstacles, etc., etc., et essayer de se prémunir d'absolument tout. Non, ils sont. De toute façon, on sait que ça va mal se passer, ça va mal finir pour eux. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête là-dessus. Et c'est beaucoup plus fun, en fait, je trouve, de raconter ce genre d'histoire. Et en plus, j'aurais tendance à dire, d'une certaine manière, un peu en scred, de jouer pas forcément des personnages, de faire réfléchir sur la politique, en fait, pour que les joueuses réfléchissent un peu sur la politique et sur le fait qu'ils soient mis à la place de personnes qui ont le pouvoir, qui en gros oppriment un petit peu quand même les populations qui gouvernent, même si c'est un peu sous-entendu, mais enfin au final, petit à petit, tu vas de plus en plus avoir des questionnements sur le pouvoir et sur ce que tu vas faire avec. Et je dis, en parlant de Dominion, je dis en gros, c'est en secret, c'est un jeu sur la lutte des classes. Et donc voilà. Donc c'était effectivement pas mal d'envie de différentes choses que j'ai pu assembler dans Dominion. Donc c'est un peu mon jeu de rôle de cœur en termes de création, je pense. En plus des peuples que l'on va gouverner au travers de la maison, il y a aussi des histoires de pouvoir entre les différents personnages des joueuses, il me semble, puisqu'on peut avoir des plébéiens, des patriciens, il y a peut-être même un chef de maison. Bref, il y a aussi, quelque part, des intrigues politiques au sein du groupe de joueurs. Ouais, c'est ça. T'as des, bah, en fait, ça fait partie des questionnements qui sont pas gérés par le système de jeu, mais en fait, c'est des choses qui vont forcément émerger, des questionnements qui vont forcément émerger. Parce que tu as, en règle générale, tu vas avoir un chef. Tu vas vraiment avoir la personne qui dirige la maison. Tu vas avoir effectivement des nobles, donc qui sont une classe sociale supérieure, et tu vas avoir les plébéiens qui sont certes donc dans une classe inférieure, mais qui vont par rapport à la population en fait, qui sont quand même un peu des privilégiés, quoi. Donc, très souvent, tu vas avoir quand même des gros questionnements de lutte des classes, genre, si on fait ça, est-ce qu'on n'est pas des salauds, des révolutions, enfin, il y a eu plein de choses très sympas sur des parties, avec des fois des questionnements sur la, bah, où tu te situes dans tout ça, quoi, sur les luttes sociales et également à un niveau individuel en fait, puisque bah, en gros t'as cette position, mettons, effectivement cette hiérarchie. Ah, donc tu vas devoir, des fois tu te donnes plus ou moins des ordres. Alors ça reste une partie de jeu de rôle, donc du coup il y a pas une vraie, t'as quand même un peu de d'agentivité malgré tout. Les trucs cool dont tu parles, les révolutions, les trucs comme ça qui sont arrivés au cours de tes différentes parties de test, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu par le jeu, poussé par le jeu, encouragé par le jeu, ou c'est quelque chose qui a vu le jour de manière totalement spontanée et émergente? Alors, j'avais pas forcément prévu exactement, genre, ah, il va se passer tel questionnement, ouais, voilà. Ça faisait pas partie des choses que j'allais forcément prévoir, c'était pas le but. De la même manière, c'est pas vraiment, en tant que tel, tellement dans les mécaniques, il n'y a pas vraiment de mécanique de, quand tu donnes un ordre à quelqu'un et que, il le refuse, ou quand, enfin, bref, mais par contre, il y a clairement, justement, il y a quand même des, il y a quand même les classes sociales en fait sont il y a une mécanique là-dessus quoi, et donc du coup c'est un peu en creux des mécaniques en creux principalement, et donc qui amène effectivement ces questionnements. Mais en gros ça faisait, je crois que c'était justement Vincent Baker qui parlait un peu de ça, du fait que tu vas avoir du jeu en creux, et que du coup t'as pas forcément le jeu ne va pas forcément avoir des mécaniques qui vont gérer ça, mais ça va forcément parler de ça à un moment donné, et donc ça va émerger. Donc c'était un peu ce à quoi je m'attendais, et donc ouais, je suis assez content quand ça arrive. Mais effectivement c'est clair que tu peux avoir des gens qui passent complètement à côté de l'aspect politique, vraiment politique du jeu, et qui mais bon c'est pas grave, le moment qui s'amuse c'est le plus important. Du coup, si je résume, tu as créé Dominion parce que 1, il te manquait un jeu de rôle dans l'univers de Dune avec des mécaniques moins traditionnelles. 2, tu avais envie d'un jeu éminemment politique qui interroge sur les classes sociales, c'est ça? Bah c'est clair qu'il y a souvent des inspirations d'œuvres, et du coup il y a quelque chose qui t'a marqué et t'as envie de le retranscrire dans un jeu quoi. Après peut-être que en fait c'est des jeux qui existent déjà, mais bon après voilà, on peut pas connaître tous les jeux non plus. Donc ouais, j'avais effectivement un manque vis-à-vis de Dominion, donc c'est pour ça que je l'ai clairement créé. En plus c'est pas juste un manque personnel, c'est je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Ouais, je pense que c'est un manque à combler en quelque sorte. Mais après, si je regarde rapidement ce que j'ai pu sortir comme je veux. Ouais, après, c'est vrai que c'est souvent des. Encore une fois, on retombe un peu sur l'espèce de coup de cœur, quoi. Il y a des. Quand je me suis intéressé à Sigue, la Cité des Lames, par exemple, c'est parce que j'aime beaucoup Planescape. Passion de las Passiones. Alors, typiquement, Passion de las Passiones, je connais pas du tout les telenovelas en vrai. Ouais, même pas. Je pense pas que ce soit grave en vrai. Le jeu, par ses mécaniques super, super intelligentes, émule tellement bien les telenovelas que t'as pas vraiment besoin d'en avoir vu en fait. Les mécaniques font que ce genre d'histoire va émerger, et puis après, bon, voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de choses qu'on retrouve traditionnellement dans les telenovelas et qu'on va retrouver ailleurs. Par exemple, toute cette partie dramatique, toute cette partie trahison, tu peux très bien la voir dans du jeu adolescent, tu peux très bien la voir dans du Buffy contre les vampires, tu peux très bien la voir dans plein d'autres univers différents. Et même, pour une référence un peu plus franco-française, moi ça me fait penser également aux séries AB Productions, Hélène et les garçons, Dumais les abeilles et tous ces trucs qui passaient à la télé quand moi j'étais gosse. Et justement, je suis assez curieux de. Donc, il a Le supplément en VO n'est pas encore sorti, donc du coup je ne peux pas encore techniquement le traduire puisqu'il n'est pas encore sorti. J'ai pas encore la main dessus. Mais justement, il apporte énormément de, il fait énormément de variations là-dessus. Il va rajouter du genre du super-héros, il va rajouter, enfin voilà. Donc ça permet de montrer qu'il y a une, donc le bouquin de base est vraiment sur de la telenovela vanilla en gros. Mais du coup, le supplément vient enrichir énormément et montrer qu'il y a une richesse, en fait, une diversité assez impressionnante. Là, je viens de rendre donc un cadre de jeu. Ça fonctionne, un cadre de jeu. C'est pas vraiment des scénarios, c'est plutôt des cadres de jeu. Un cadre de jeu qui exploite la matière de Bretagne avec le système de passion de la passionnesse, tu vois, avec cette espèce de triangle amoureux entre Arthur, Guenièvre et Lancelot, avec Guenièvre qui est vraiment au centre, en fait, en ayant éventuellement trois PJ supplémentaires, donc qui sont Morgane et Merlin, et donc du coup, ça peut être un bordel fini, mais du coup, c'est sur la matière de Bretagne, il n'y a pas besoin finalement de connaître la telenovela si tu as une connaissance de la matière de Bretagne. On se rend compte que ça fonctionne parfaitement pour émuler ça. Ça se retrouve partout en fait. C'est pas juste les télé-novelas. Contrairement à ce que je croyais au début, et Telrent qui m'a corrigé, mais j'ai dû le supprimer lors du montage, The Sprawl n'est pas une création de ta part, c'est une traduction, un jeu d'Emerich Cameron. Néanmoins, comme tu es passé par un financement participatif, que ce dernier a assez bien marché, tu as rajouté un supplément, 400 pages, il me semble, d'univers, de lore, une pure création francophone, qui va permettre de rajouter du lore, de rajouter des missions, de rajouter tout un tas de choses, on va en parler ensemble. Pour The Sprawl, et ma première question un peu naïve par rapport à ce supplément, c'est que est-ce que je peux le prendre tel quel et l'utiliser pour mon jeu cyberpunk préféré, qui ne serait pas The Sprawl? Imaginons que j'ai un autre jeu de rôle cyberpunk que j'aime beaucoup, qui n'est pas The Sprawl, est-ce que Metapol va pouvoir me servir? Ouais, bah après j'aurais tendance à dire, je pense que enfin, je sais pas à quel jeu cyberpunk vous pensez, mais à basculer sur The Sprawl, je pense que ce sera déjà mieux. Mais même si vous êtes vraiment attaché c'était un vous, voilà, je sais pas, dans ce vous, genre cette personne, ces personnes-là qui se disent, voilà, je suis intéressé par le métabolisme. Alors après, c'est pas non plus réalité augmentée. Alors, réalité augmentée, du coup, c'est vraiment une aide de jeu cyberpunk pour tout système, et donc du coup, ça fonctionne. C'est vraiment pour aider le MJ à rajouter des descriptions, c'est des tables aléatoires, etc., etc. C'est très cool, mais là, du coup, c'est vraiment peu importe le système. Ouais, voilà, c'est ça. C'est agnostique. Métapole, par contre, effectivement, est un peu plus est vraiment pour The Sprawl. Mais le truc, c'est que finalement, dans la plupart des jeux de rôle cyberpunk, t'as pas vraiment d'outils scénaristiques. Et je pense que ça fait partie des choses que tu peux incorporer dans ton jeu cyberpunk sans trop de soucis, quoi. Donc, ça te permet de gérer, ça permet en gros de reprendre un système, enfin un scénario en origine, c'est des cadres de jeu avec un scénario. Mais bon, après, tu as deux campagnes aussi dedans. Mais donc, on va dire en gros les missions qui sont présentées dans The Sprawl. Je pense que tu peux réincorporer directement et quitte à incorporer tout ce qui est front. Enfin, donc, c'est des horloges, c'est pas des fronts dans The Sprawl. Mais en gros, ouais, tu as des horloges pour gérer les missions. Et je pense que même dans n'importe quel jeu cyberpunk, c'est un outil que tu peux réutiliser, puisque c'est un des trucs qu'on n'arrête pas de dire, en fait, dans les jeux propulsés par l'Apocalypse. Il y a plein de choses que tu peux réincorporer dans ton jeu tradit, sans aucun souci, et ça va mieux tourner ton jeu tradit. Entre Dominion, ta création, ton grand œuvre, et The Sprawl, qui est une traduction que tu aimes également beaucoup, il semblerait que tu jures beaucoup par les jeux propulsés par l'Apocalypse. Est-ce que parfois tu t'intéresses à d'autres familles de jeux, à d'autres manières de jouer, ou c'est vraiment PBTA, PBTA, PBTA, PBTA? Bah, comme je le disais, j'aime beaucoup les jeux propulsés par l'Apocalypse, donc j'en fais pas mal. En général, je suis assez intéressé par un peu tous les systèmes de jeux qui vont être un peu alternatifs, qui sont sortis. Je me suis aussi intéressé aux jeux forgés dans les ténèbres. Forgé dans les ténèbres, ça descend de Blade in the Dark, donc tu as traduit le système référence document et qui est disponible sur ta page itch.io en impression à la demande. Ouais. Je vais du coup en Forgé dans les ténèbres, j'ai sorti Le Fer et le Froid, qui est un jeu forgé dans les ténèbres d'espionnage. Je me suis intéressé aussi à au jeu Belonging Outside Belonging, donc effectivement avec Flotsam. Pareil, j'étais intervenu pour sur la VO pour écrire un cadre de jeu. J'aime beaucoup Flotsam en fait parce qu'il est les Belonging Outside Belonging à l'époque. J'aurais tendance à dire que c'est même encore un peu vrai maintenant. Sont pas forcément passés complètement dans notre culture et du coup c'est assez difficile de savoir comment y jouer. Flotsam explique. C'est vrai que de mon côté, les quelques expériences que j'ai eues avec les Bob, les Belong Outside Belonging, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, c'était pas toujours évident. Un, parce que le jeu n'explique pas forcément ce qu'il attend de chaque joueuse, parce qu'il n'y a pas de MJ, il n'y a pas de hasard, il y a une économie de jetons. Bref, c'est pas toujours évident à se projeter dedans. Et ça, si Flotsam l'explique, tant mieux. L'autre difficulté pour moi, c'était aussi la surcharge cognitive, parce qu'on va jouer notre personnage plus un cadre. On va jouer de l'adversité, on va jouer du décor, on va jouer autre chose qui n'est pas dans notre personnage. Et moi, les quelques fois j'avais essayé avec Saga Heroic Minima, j'avais essayé avec un autre aussi, et à chaque fois j'avais l'impression de devoir trop en faire, d'avoir trop de choses en tête et de devoir faire trop de choses, et c'était pas facile. Ouais, bah ouais. Et puis t'as aussi un peu cette espèce de vide, de possibilités en fait, parce que t'as rien pour te guider, t'as juste vas-y champion, invente quelque chose. Et tu fais ouais, ok, ouais, d'accord, mais ça bloque en fait. Et justement, Flotsam guide là-dessus. Je trouve que moi ça a été un peu mon déclic pour ces jeux-là. Du coup, ça va beaucoup mieux une fois que tu as le déclic, en fait. Après, tu vas beaucoup plus facilement avoir des idées et tu vas plus avoir ce blocage, en fait. Mais typiquement, ça a été un peu grâce à Flotsam. Et c'était un reproche que je faisais aussi énormément pour un peu tous les jeux de rôle sans MJ, en gros, puisque très souvent, ils te guident très bien pour faire toute la partie de world building. Mais au moment où tu dois vraiment jouer, en gros, au moment où tu dois justement voilà, quoi, faire une scène, souvent, c'est vas-y, quoi. Vas-y. Et du coup, Flotsam n'a pas ce côté-là. Il a juste une petite procédure très simple, mais tu vois, qui te guide et du coup qui permet d'initier les choses, quoi. Donc, voilà. Donc j'avais beaucoup aimé celui-là. J'avais aussi, ouais, je me suis aussi intéressé à tout ce qui est avec le roi est mort, ouais, qui sont vraiment très sympas aussi. Donc ouais, je suis assez curieux en fait de un peu tous les systèmes alternatifs. J'essaye de contribuer à ce qui se diffuse un peu dans le monde francophone. Voilà. C'est cool. Pour revenir sur Métapole, tu disais 400 pages, il me semble, c'est un gros boulot, c'est bien plus que ce que je pourrais jamais écrire. Tu l'as fait tout seul ou tu t'es fait aider? Ouais, bah en fait ça a été financé quoi, et effectivement ça permettait de faire venir pas mal de gens pour développer au des Des le sous-genre des sous-genres de cyberpunk en fait. Donc ça c'était assez intéressant puisque effectivement The Sprawl a un côté cyberpunk très classique, très vanilla quoi, vraiment très très 80s. Il y a ce côté-là très très classique, très cliché qu'on connaît tous, qui fonctionne très bien en plus. Mais du coup c'est vrai que c'est un sous-genre du cyberpunk et peut-être que tu as envie de rajouter un peu de la fantasy dedans, peut-être que tu as envie de gérer du téléchargement de conscience, etc. etc. Et tout ça, Métapole, en fait, le permet, quoi. Ça permet de montrer un peu toutes les possibilités, de la même manière que Dossier en souffrance permet de montrer un peu pour les missions, parce qu'effectivement, il y a une structure dans The Sprawl. Du coup, tu te dis, ouais, la mission, elle est vraiment structurée, ça vient de restreindre, du coup, ça vient de limiter. Et du coup, Dossier en souffrance permet de montrer, ouais, t'as cette base-là sur laquelle tu vas pouvoir construire. Et regarde tout ce que tu peux faire une fois que tu maîtrises un petit peu cette base-là. Ça a l'air intéressant, ça, Dossier en souffrance. C'est quoi? C'est une création francophone aussi? C'est une traduction d'un supplément VO? Dossier en souffrance, c'est une traduction. En VO, il y a 10 missions et il y en a 14 en VF. Donc, c'est un peu à mi-chemin, quoi. Il y a eu du supplément. Comme c'est des missions, elles sont en général pas forcément particulièrement, puisqu'elles sont censées se passer dans la conurbation que vous allez créer avec les joueurs. Donc, on peut pas savoir où ça se trouve. C'est-à-dire que le lieu, vous l'avez créé à la table, donc on peut pas savoir où ça se trouve. C'est davantage dans Métapole où effectivement t'as des conurbations qui sont proposées, etc., etc. Mais sinon, là, on peut pas savoir. Et puis là, c'était pas l'idée. C'était vraiment sur l'émission. Donc, voir un peu. Là, pour le coup, c'est plutôt de la co-création de monde, en fait, puisque du coup, tu crées les corporations, tu crées le monde, la conurbation. Ça a l'air d'être un travail de world building super intéressant, mais aussi qui peut potentiellement être long. Est-ce que ce sprawl, on peut quand même y jouer en one shot? Moi, je sais que j'aime beaucoup faire des one shot, j'aime beaucoup découvrir des jeux, découvrir des systèmes. Est-ce que ce sprawl est agréable pour du one shot ou est-ce que il est préférable de se lancer directement sur une campagne? T'as une, en gros, t'as la fameuse méthode Pimpy. Justement, ça me permet de parler d'Antoine Pimpy. Donc, qui avait mis au point justement, qui faisait à l'époque de Google Plus et de l'auberge virtuelle, qui faisait jouer beaucoup et du coup, qui faisait jouer en one shot. Et du coup, il avait mis au point justement une méthode pour qu'on puisse créer extrêmement rapidement une conurbation et pouvoir jouer extrêmement rapidement. Donc il y a des conseils effectivement dans Metapol pour jouer en one shot, puisque tu peux jouer en one shot. Mais comme tous les jeux propulsés par l'Apocalypse, effectivement, ça prend tout son sens de jouer en campagne. Mais voilà, si tu veux jouer en one shot, tu peux aussi. Et donc grâce à Antoine, qui est lourdement regretté, mais donc qui sera pour toujours dans le panthéon des créateurs de ce sprawl. Dominion et The Sprawl, c'est fait. Qu'en est-il de tes autres créations, slash traductions, peut-être un peu moins connues, dont tu aimerais parler? Alors, je vais peut-être pas forcément parler de tous les jeux que j'ai pu sortir. Enfin, tous les jeux. J'en ai sorti quelques-uns sur mon Patreon Tipeee, mais on va les laisser de côté. Qu'est-ce que j'ai pu sortir récemment? Donc, comme je le disais, j'arrête un peu de faire de la création parce que même si là, c'est vrai que j'ai un peu une idée que j'aimerais bien développer. Effectivement, le projet Silo, puisque la question t'a été posée, on y reviendra peut-être. Ce que j'ai sorti, donc récemment, j'ai sorti Même les monstres ont un cœur. Donc dans les derniers, vraiment, dans le dernier que j'ai coécrit avec Peggy Chasney, donc la Daline, qui en gros est une version donc Protocol. Donc Protocol, si vous connaissez pas, c'est Gulix qui a sorti en français la gamme Protocol. Je connais pas le nom de l'auteur originel, honte sur moi. Du coup, après recherche rapide, les jeux Protocol, l'auteur original, c'est Jim Pinto, via Post4 Games. Pour nous francophones, c'est vrai qu'on le connaît surtout, enfin en tout cas moi je le connais surtout via Gulix, puisque c'est lui qui les a traduits. Et en gros, donc, Protocol, c'est assez cool, ça permet de faire un peu des scènes cinématographiques, et c'est sans MJ, sans préparation, et en règle générale, c'est des petits bouquins qui, vraiment, genre une quarantaine de pages, quelque chose comme ça, même pas, je crois, qui vont être sur un type d'univers. Donc c'est toute une gamme, effectivement, il y a un peu tout ce qu'on veut, il va y avoir du cyberpunk, je pense, il va y avoir de la fantasy, il va y avoir, moi j'aime beaucoup le théorème de Tchabilev, quelque chose comme ça, enfin en gros ça permet de jouer des gosses avec des pouvoirs qui sont pourchassés par un peu à la Psyrun, bref, très cool. On a beaucoup aimé avec Peggy, donc c'est Peggy qui nous y avait beaucoup fait jouer. Et nous, on avait un problème, c'est que donc moi, je mène un peu à Monster Hearts, mais on n'arrivait pas à avoir une table de Monster Hearts. Enfin, c'était juste, il y avait une malédiction là-dessus. On n'arrivait pas à avoir une campagne de Monster Hearts. Et on était avec Peggy, on était extrêmement frustrés là-dessus. Et du coup, on s'est dit, bon, on va faire un jeu qui nous permet de jouer en une soirée à faire du Monster Hearts quand on n'arrive pas à réunir tout le monde, etc. Et donc de faire du Monster Hearts sans MJ, sans préparation, en une fois, voilà, un petit truc cool. Et donc voilà, ça a été même le monstre en un cœur. Donc voilà pourquoi, en général, voilà, je crée parce qu'il y a de la frustration. Je pense finalement la réponse. Même les monstres ont un cœur, ça me parle. Peggy Chasney, elle en a pas fait des romans aussi. Ouais, elle a plein de bouquins. Voilà. Donc ouais, les deux romans de Peggy, donc il y a un troisième, il y a un tome 3. Donc c'est des bons gros bouquins très sympas sur effectivement qui s'appellent Des ados, de l'amour et des monstres. Effectivement, je crois qu'elle les a écrits après, si je dis pas de bêtises, ou peut-être pendant. Enfin, il y a eu une sorte de co-création un petit peu. Enfin, ça faisait partie un peu des choses qu'on avait envie de faire. Donc du coup, je crois qu'elle a aussi écrit effectivement des bouquins à côté. Ouais, c'est en août 21 le premier tome, donc elle les a écrits après. Mais ouais, ils sont très sympas. Hein. Je conseille. Tu dis que le jeu s'inspire de Monster Hearts. Moi, Monster Hearts, c'est un jeu qui m'a toujours intrigué, que je trouve intéressant, mais qui m'a aussi repoussé, parce que voilà, lorsque j'étais au collège, j'étais pas mal harcelé, tout ça. Et du coup, le fait de jouer des ados toxiques, qui sont des monstres dans tous les sens du terme, c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis à l'aise et j'ai jamais joué à Monster Heart. Est-ce que même des monstres ont un cœur et entre guillemets plus doux? En fait, c'est surtout que dans Monster Hearts, t'as clairement les livrets de personnages, tu joues des monstres, quoi, mais pas seulement des monstres symboliques et littéraires. Je pense que y a moins de mécanique, en fait. Du coup, je pense que c'est légèrement adouci. C'est-à-dire que tu peux le jouer de manière. J'ai fait des parties qui étaient moins dures quand même, clairement, que à Monster Hearts. Donc je pense que ouais, tu peux beaucoup plus facilement te retrouver sur du Buffy un peu plus light, quoi. Après, ça dépend des saisons de Buffy, mais ouais. Mais ouais, en gros, tu peux faire facilement du plus light parce que tu as moins de mécaniques, moins de trucs comme ça qui forcent un petit peu. Et pour moi, c'est tout l'intérêt de Monster Hearts aussi. Hein, mais effectivement, si tu veux ça, cool. Tu gardes quand même le. Tu gardes vraiment un voile de genre, effectivement, tu joues un loup-garou, etc. Tu joues donc un peu quand même malgré tout des monstres. Donc aussi un peu symbolique, mais c'est moins chargé, t'as pas la part sombre, t'as pas, enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui ne sont pas reprises. Et du coup, ça va plus être du teen drama avec un voile de surnaturel dessus, quoi. Donc, ça pousse un peu moins à l'espèce d'horreur que tu peux dans laquelle tu peux sombrer assez facilement avec Monster Hearts. Donc ouais. Après il y a donc Futur Antérieur aussi. Ouais. Du coup ça pareil Futur Antérieur qui devient d'actualité malheureusement. Parce qu'en gros l'idée c'est d'un point de vue pour tout ce qui est l'univers en gros. L'idée, c'est X-Men Days of Future Past. Donc, c'est vraiment, t'as un super-héros qui est envoyé dans le passé pour empêcher l'avènement d'un ordre fasciste dans là où il est, quoi. Enfin, d'éviter cette catastrophe qui va amener en gros, un futur extrêmement apocalyptique, quoi. Ouais. Et d'un point de vue mécanique, c'est les règles de Dogs in the Vineyard. Donc, c'est assez. Encore une fois, c'est. Ça me permet de faire un peu des expérimentations sur les systèmes de jeu. Et donc, il y a des choses intéressantes dans pas mal de systèmes de jeu. Donc, ça me permet de les reprendre et de les habiller un peu différemment. Et la particularité de Futur Antérieur, en fait, c'est que, à la base, dans la version Patreon que j'ai dû sortir, Patreon typique, j'ai dû sortir à Levant, si je dis pas de bêtises, c'était assez classique, dans le sens où tu avais plusieurs PJ, et la version finale, en fait, c'est un MJ, un PJ. Parce que, en fait, le système Dogs in the Vineyard tourne mieux quand il y a juste un PJ, en vrai. Donc, ça a été. Et puis, ça permettait d'avoir d'un peu plus intime aussi, d'avoir un super-héros qui est envoyé dans le temps et pas tout un groupe, quoi. Donc, c'était. Voilà, donc la version finale est vraiment juste un PJ, un MJ. Ouais, ça a été aussi une autre création. Et il y a le fer et le froid, donc aussi, donc comme j'en parlais, qui était un jeu d'espionnage en gros, qui n'est pas forcément dans une version complètement définitive. Il faudrait que je le reprenne un petit peu, je pense quand même. Il y a quelques petites. En fait, quand j'ai travaillé sur Sigue, la Cité des Lames, donc qui est aussi forgé dans les ténèbres. Du coup, parce que j'ai fait un gros travail d'édition sur Sigue. Du coup, tu disais qu'on s'intéresse plutôt à la création et pas à l'édition. Mais typiquement, Sigue, il y a eu un énorme travail d'édition là-dessus, qui serait aussi très intéressant à discuter. Mais du coup, j'ai vu certaines choses qu'il fallait que je réinjecte dans le fer et le froid. Et le fer et le froid, il y a deux, trois petits trucs qui tournent pas correctement. Mais j'ai assez peu le temps de le playtester. Et du coup, ouais, il y avait des choses qui m'allaient pas complètement. Je pense qu'il faudrait que je il y a quelques petits coups de clé à molette par-ci par-là qu'il faudrait que je fasse pour qu'il soit en gros que je puisse en proposer une version imprimée plus ou moins finie, finalisée, définitive, emballée, c'est pesé. Mais voilà, pour l'instant c'est pas encore totalement le cas. Donc Dominion, mais ça on en a parlé. Ouais, ça va commencer à être du petit jeu, je pense. Ouais, ça commence à être du petit jeu. Tout ce qui est Donjon Kit, les 3x3 minutes décisives et la chute du réseau Fahrenheit, qui sont des jeux un peu à la pour l'arène. Mais donc ouais, voilà, ça commence à être des petits jeux. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en parler. On a parlé de ta casquette auteur, on a parlé de ta casquette traducteur, mais tu es aussi éditeur. Tu peux publier les jeux d'autres personnes. Les Monstres en cœur, c'est un peu particulier parce que tu as coécrit le jeu avec Peggy, mais pourquoi ne pas simplement éditer les jeux des autres? Ce serait peut-être moins de travail pour toi? Ouais, alors effectivement, ce serait plus rentable que quelqu'un arrive et me donne tout un manuscrit et c'est nickel. Je peux ensuite le publier. Donc en théorie, ça le serait, puisque bah en gros, je lui reverserais juste quelques miettes et du coup, tu t'irais bien. Malheureusement pour moi, c'est pas comme ça que je fonctionne en règle générale. C'est-à-dire que typiquement avec Peggy, on a plutôt un accord qui fait que je lui reverse la moitié de tout ce que je touche. C'est le cas aussi, par exemple, ça a été plus ou moins le cas aussi pour Magus en fait. Magus, c'est pas moi qui suis allé le chercher en fait. Il m'a été proposé par le traducteur Florian. Et pareil. En fait, je gagne pratiquement rien puisque au lieu de simplement lui filer quelques miettes, on fait un partage égal des bénéfices. Donc, c'est pas rentable pour moi d'éditer des autres parce que j'essaye de pas les exploiter. Mais ceci étant, et puis après, en plus, j'ai tendance à être un peu chiant et du coup à vouloir que ce soit, enfin, le jeu soit de qualité, que la traduction soit bonne, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que ça me prend aussi beaucoup de temps pour faire du boulot d'édition derrière, pour mettre tout ça d'équerre, etc., etc. Donc ouais. Et puis typiquement, je parle de Magus, mais la maquette de Magus a été aussi m'a aussi pris pas mal de temps parce qu'elle était assez compliquée parce que c'est un très joli jeu de paysage, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Ouais, il est assez sympa. Donc du coup, si tu l'as en physique, c'est avec Grolure, ce qui permet de l'ouvrir beaucoup plus facilement et de ouais, il y a une spirale, effectivement. Ouais, il est pas mal. Je crois qu'il est en gros, t'as effectivement Magus et en plus compliqué, t'as Chronique d'un vampire millénaire, tu vois. Et donc effectivement, Magus est une bonne porte d'entrée, je pense, pour les JDR solo. C'est pour ça que c'était intéressant aussi c'est pour ça que je l'ai publié en gros. Ah, donc ça arrive, ouais, ça arrive. Donc on propose des choses, c'est assez rare. Et en général, c'est vrai que c'est plutôt, en fait, je presque pas trop le faire parce que comme je n'exploite pas les auteurs que je vais publier. Financièrement, c'est, enfin, typiquement en gros, l'année dernière a été une catastrophe financière pour moi, en fait. Je suis très très mal financièrement. Là, avec Passion de la Passionnette que je viens de sortir, avec Hearts of Wulin à la rentrée que je vais sortir, je pense que ça va financièrement, ça va aller mieux. Mais du coup, sortir des jeux comme ça, Magus a été ma seule sortie l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est pas rentable et du coup, je peux pas, enfin, je peux pas vivre avec ça. Donc, du coup, si vous avez des jeux que vous voulez, voilà, qui cadrent avec effectivement la ligne éditoriale un peu alternative que je propose, voilà, effectivement, ce serait avec grand plaisir que vous pouvez venir discuter avec moi. Mais effectivement, d'une certaine manière, je peux pas trop le faire non plus parce que, bah, ça. Je vends pas suffisamment à côté de ça ailleurs, mes autres jeux pour pouvoir prendre le luxe d'éditer quelqu'un d'autre en gros. Parce que voilà, je vais pas vous exploiter. Mais après, si vous voulez, voilà, et je refuse aussi. Enfin, genre, il pourrait y avoir des gens qui disent, mais ouais, j'adore ce que tu fais, me paye pas, etc. Je refuse ça en fait. C'est non. Voilà. Donc tout ça fait que voilà, c'est le problème d'avoir un peu des principes aussi, et ce qui fait que je peux pas vraiment faire ça. Donc ça arrive assez rarement de toute façon, mais voilà, finalement c'est pas trop rentable pour moi de le faire de toute façon. Du coup, tes multiples casquettes, auteur, traducteur, éditeur, t'as eu une formation pour ça? T'as travaillé dans le milieu de l'édition? T'as eu une formation dans le milieu du livre ou de l'écriture ou autre ou pas du tout? J'ai une formation universitaire en juriste en droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Donc pas du tout, pas du tout. Mais par contre, le truc, c'est oui, ok, ça fait déjà presque 10 ans que je fais ça. Avant ça, je participais à des concours de création de jeux de rôle, genre les Démiurges en Herbe, les trucs comme ça, les Royal Rumble, les compagnies. Donc clairement, faut pas me regarder là maintenant et comparer ce que vous faites vous si vous démarrez maintenant, parce que vous avez quelqu'un qui fait ça depuis à peu près 20 ans. Alors effectivement, ça fait 10 ans, pas pratiquement 10 ans que je fais ça en pro, Et clairement, si tu regardes ma maquette sur Passion de la Spationesse, qui est absolument magnifique, mais du coup, ça m'a permis de progresser aussi, de m'intéresser sur des choses en termes de maquette. Je ne suis pas développé sur exactement ce que c'est, mais c'est du grid layout. Donc voilà, en gros, ça permet de faire une maquette un peu comme un magazine. En gros, j'ai pompé Marie-Claire honteusement, j'ai regardé un peu comment ils faisaient, etc., etc. Mais du coup, c'est. Enfin voilà, faut pas comparer ce que je fais maintenant avec vous si vous démarrez, si vous voilà, vous avez pris un logiciel de PAO et vous vous lancez, vous allez forcément pas faire la même chose, et c'est normal. J'ai démarré moi aussi et quand j'ai démarré, j'ai fait les mêmes choses que vous. J'ai foutu des fonds parchemin pour me dire voilà, c'est médiéval fantastique, donc j'ai foutu un fond parchemin, c'est magnifique, je suis trop fort. Ok, mais voilà, mais du coup c'est pas le cas. J'ai pas de formation de graphisme, mais voilà, ça fait quelques temps déjà que je fais ça. Et effectivement, en gros, il y a eu des étapes. Souvent, il y a des projets sur lesquels, en gros, je sens que j'ai progressé. J'ai senti que j'ai progressé en termes d'édition. Magus m'a fait progresser en termes de maquette. Effectivement, Passion de la Spionesse m'a fait progresser en termes de maquette, etc., etc. Donc voilà. On pexe petit à petit et on fait des choses de plus en plus compliquées. Clairement, il ne faut pas regarder Passion de la Spationesse et se dire, enfin, le Kelren qui se lance qui va faire The Sprawl, il ne faut pas qu'il regarde la maquette de Passion de la Spationesse et il ne faut pas lui dire, vas-y, fais la même chose. Parce que ça, je me serais tiré une balle dans la tête. Mais voilà, mais tu progresses petit à petit et puis tu fais des choses de plus en plus compliquées et puis ça passe, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ouais, j'arrive maintenant à faire des choses. Enfin, j'irai pas jusqu'à me qualifier de maquettiste parce que effectivement il y a des gens qui ont fait des formations, tout ça, et donc c'est toujours un peu de maquettiste ou de graphiste. Enfin voilà, je bidouille un peu sur tout ce qui est maquette et graphisme. Je pense que voilà, j'arrive à faire des choses qui sont propres et j'en suis assez fier. Mais ouais, ça se fait. Tu progresses petit à petit et ça se fait étape par étape. Ne pas se lancer dans des gros trucs dès le début, quoi. Du coup, quand tu fais de la traduction, est-ce que tu as accès au fichier source de l'éditeur ou de l'auteur qui a créé la VO et tu peux te baser dessus et juste ajouter le texte que tu traduis ou est-ce que tu es obligé de repartir de zéro et de fabriquer aussi la matière? En général, oui, tu demandes ça. Après, il y a plusieurs choses. Typiquement, la VO de The Sprawl, à l'époque, elle n'était pas terrible, quand même. Donc, du coup, on avait demandé, j'avais demandé à Gwenaël Ouarnaud Moustrap, lui, pour le coup, qui est un très très bon maquettiste, graphiste, illustrateur, vraiment, enfin, extrêmement talentueux. Je passe le bonjour au passage. Du coup, on lui avait demandé de faire une maquette pour la VF. Donc, du coup, on n'a pas repris la maquette de la VO. Mais en général, ouais, t'as accès à ces maquettes-là. Passion de la Spationesse, par exemple, j'ai pas du tout repris la maquette de la VO parce que je la trouvais assez triste. Alors que le jeu est vraiment super sympa, elle est très sobre, très sage en fait. Et je voulais quelque chose d'un peu plus sexy, quoi, en quelque sorte. Et donc je l'ai complètement refaite. Magus, je l'ai refaite parce que Magus, à la base, c'était fait sous PowerPoint, je crois, par Mamatoz. Et je travaille pas avec PowerPoint. Donc du coup, je l'ai fait sous un vrai logiciel de PAO. Du coup, c'est beaucoup plus propre. Mais donc ouais, normalement tu as accès effectivement au fichier de maquette. Mais le truc c'est plutôt les ressources graphiques, les illustrations qui sont intéressantes. Pas forcément tant que ça la maquette. Enfin, ouais, les illustrations qui sont importantes à récupérer. Des fois tu as des mauvaises surprises. Ça a été le cas pour SIG par exemple. Si on reste 5 secondes sur le graphisme, par exemple les illustrations de SIG, mais ça arrive très souvent en fait. Ça arrive très souvent dans pas mal de jeux. Les graphistes ne savent pas ce qu'est le print, ils savent pas ce que c'est l'impression. Et du coup, tu as besoin d'une qualité qui est bien supérieure dans l'impression pour pouvoir imprimer les illustrations. Ce qui fait que souvent, tu te retrouves avec des illustrations qui sont pas d'une qualité suffisante, qui sont pas d'une définition suffisante pour pouvoir être imprimées. Donc ça, c'est le problème en fait avec tous les illustrateurs graphistes web qui connaissent pas le print. Voilà. Donc, tu as des fois des mauvaises surprises quand tu tombes sur les illustrations et que tu te rends compte que ton illustration, si tu veux l'imprimer, ça va faire 3 cm sur 3. Tu dis, bah, c'est pas possible. Donc, comment tu fais? Donc voilà, ça fait partie des choses assez amusantes et de un peu toutes les compétences que tu acquiers petit à petit quand tu fais de l'édition en jeu de rôle. Mais ouais, sur SIG, il y a eu un gros travail d'édition, effectivement, du texte. Il y avait des soucis. Déjà, c'était pas très clair, je trouve, dans le bouquin de base. Alors déjà, il y a un gros truc, c'est que SIG, à la base, pour bien expliquer comment en VO comment ça existe, SIG à la base, c'est un jeu sans MJ qui Jason Pitre en sort une première version. Il fait un ouais, c'est ça. Ensuite, il fait, je crois, un Kickstarter pour une version un peu plus enfin augmentée, quoi, avec des participations, avec des trucs comme ça. Exactement. Ouais. Mais toujours donc en version sans MJ. Et ensuite, il sort effectivement la version Forgée dans les ténèbres. Donc qui vraiment, c'est effectivement c'est Blades in the Dark, mais dans l'univers de Planescape, en gros. Mais le truc, c'est que t'as des choses qui étaient décrites et expliquées et qui sont indispensables. Alors, si tu connais Planescape, tu vas avoir aucun souci. Mais si tu connais pas Planescape, si tu connais pas Sigil, si tu connais pas tout ça, t'as des choses qui sont expliquées dans les bouquins précédents, mais qui n'ont pas été repris dans la version anglaise, dans la version Forgée dans les ténèbres, quoi. Et parce que ça reste un petit bouquin, finalement, c'est pas un gros bouquin dans la VO. Mais moi, en tant qu'éditeur VF, effectivement, je me demande comment on fait. Et du coup, j'arrive à la conclusion que on va faire un seul et unique bouquin. Donc c'est pour ça que le bouquin VF fait 400 pages, je crois. Du coup, c'est un bon pavé, mais tu as tout dedans. En gros, les deux bouquins et demi, puisque le premier bouquin et le deuxième bouquin, il n'y a pas énorme de différence en vrai. Mais voilà, il y a quelques petits trucs du premier bouquin qui ont été repris, mais très très peu en vrai, puisque finalement, le vrai bouquin, c'est le deuxième. Mais entre le deuxième et donc le troisième, là, il a fallu faire une réunion, une fusion, un peu comme dans Dragon Ball Z. Clarifier, rajouter des exemples, voilà, rajouter des exemples, etc., etc., être beaucoup plus pédagogique. Parce que, en fait, un des gros trucs qui est assez important à comprendre aussi, c'est que le marché anglo-saxon, les anglophones, ils ont l'avantage que les jeux forgés dans les ténèbres, les jeux propulsés par l'Apocalypse, tout ça, les jeux Belonging, What's Belonging, enfin, tous les systèmes de jeux dont j'ai parlé, en fait, en gros, ils sont bien plus connus. Voilà. Alors que dans le monde francophone, tu dis on va faire un Bob, là, les gens vont, tu vas avoir un blue screen quoi quand tu es face à toi. Donc voilà, donc tu peux pas te permettre d'avoir la même. Tu le vois, tu as beaucoup de jeux qui sont sortis et qui sont du coup très très fins en VO, en version anglaise, mais tu peux pas te permettre le même luxe en VF parce qu'il faut être pédagogique, il faut expliquer. Voilà. Donc tu dois rajouter du matos. Et ça, par exemple. Bah, typiquement, tu peux avoir certains éditeurs anglophones qui comprennent pas en fait que il y a un besoin de modifier ce que vous avez écrit pour l'adapter en fait au public francophone. Et ça, ce concept d'adaptation, certains ont du mal. Du coup, parfois, ça se passe mal avec les détenteurs ou détentrices de la VO quand tu parles de modifications qu'il faut faire ou de vouloir ajouter des choses pour justement le public français. Ça dépend. Bon, moi, après, je me plains pas. Hein. J'ai pu vraiment tomber sur typiquement Jason Pitre, absolument génial. Enfin, du coup, j'ai pratiquement pu tout faire. Et du coup, parce que c'est super intéressant parce que c'est quand même c'est gagnant-gagnant en fait. C'est-à-dire que du coup, je sais que Jason travaille sur une nouvelle édition de Sigue la Cité des Lames, mais en VO quoi. Mais du coup, qui naît justement de tout le boulot que j'ai fait sur la VF, parce que du coup, il a ça l'a peut-être inspiré ou il a vu des trucs. Enfin voilà. Mais bref. Mais du coup, ça peut le lancer sur une nouvelle édition. Donc c'est un travail un peu de symbiose quand même malgré tout. C'est assez intéressant même pour les éditeurs anglo-saxons. Mais ouais, après, typiquement Hamish Cameron, justement sur The Sprawl, on a eu une liberté totale. Enfin, il a été super cool. Encore une fois, comme on est quand même dans un petit milieu avec des gens qui sont quand même très humains, c'est pas des méga corporations en face de toi. Donc tu as quand même énormément un côté humain et des gens qui comprennent quand tu leur expliques qu'il va falloir adapter. Ce serait intéressant de rajouter des choses, etc., etc. Donc j'ai pas d'exemple vraiment. Enfin, Je vais pas donner des exemples, mais t'es pas bridé, ouais. La plupart sont extrêmement compréhensifs et donc extrêmement cool. Donc, c'est toujours un plaisir du coup de bosser avec eux. Typiquement, passionné de Las Passiones et était admirable. Enfin, je veux dire, il avait eu beaucoup de boulot. De toute façon, il a mis quelques années à sortir. Donc, tu sens qu'il y a eu un bon boulot dessus. Donc, il n'y avait pas grand-chose à retoucher. Donc, je crois que la première version, celle à laquelle j'ai joué, c'est le 2017. Je crois que 2020, c'est la version HCan, justement. Et là, la VO, elle est sortie il y a un an, je crois, un truc comme ça, peut-être. Ouais, ça a un peu vécu. Il y a eu des changements, etc. Mais du coup, la version finale est propre, relativement propre, quoi. C'est un texte relativement propre, donc il n'y a pas énormément de boulot dessus, un petit peu, mais bon, parce que ça, il y a toujours, enfin, je veux dire, on n'est pas non plus, faut être clair, ça reste quand même des jeux, ça, c'est pas Wizard of the Coast, t'as pas eu 5 éditeurs qui sont passés dessus, enfin voilà, donc il y aura toujours des petits trucs qui vont pas et que du coup tu repères quand tu bosses dessus lors de la traduction, surtout qu'en plus, comme je suis traducteur, donc je bosse beaucoup je connais vraiment bien le texte, quoi. Donc, je vais remarquer pas mal de choses au final. Mais ouais, passionné de Spationes, propre. Mais effectivement, des fois, tu vas tomber sur The Sprawl était très propre aussi. Il y avait quelques petits trucs, quelques petites modifications, quelques petites choses, mais pratiquement que dalle en vrai. Voilà. Donc ça dépend après. Et évidemment, des fois, tu peux pas trop non plus faire de modifs. Du coup, les auteuristes des VO doivent être super contents de tout le boulot de tabac pour encore améliorer leur jeu. J'espère qu'ils le sont, ouais. Surtout que en général, je me prends la tête à leur remonter toutes les. Souvent, c'est plutôt des questions, des fois. En gros, tu remontes des incohérences, donc du coup, tu poses des questions, puisque tu dis, en gros, là, je pose une question parce que il y a un truc bizarre. C'est ça. Pour pouvoir traduire, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que. Voilà. Ouais, après. Des fois, ils n'ont pas non plus énormément le temps, malheureusement. Donc là, par exemple, Amish et Jason, par exemple, ont été super disponibles. On a pu discuter là-dessus. Ils étaient disponibles pour répondre aux questions, etc., etc. Mais évidemment, c'est clair que tu peux tomber aussi sur des gens qui n'ont pas le temps, quoi, parce qu'ils ont énormément de trucs. Eux aussi sortent des choses, donc ils n'ont pas forcément le temps de revenir sur un ancien projet qui pour eux est derrière eux. Et puis ils sont pas forcément la personne compétente qui connaît vraiment bien le jeu à disposition. Bref, donc, c'est pas toujours possible. J'espère que ça leur est utile. C'est pour ça qu'en général, je fais cet effort de remonter les choses que j'ai pu voir. Puis parce que j'ai besoin de savoir si je peux modifier, parce que j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose qui n'allait pas et donc il faut le corriger. Mais voilà. Mais typiquement, à nouveau, je vais insister sur donc Hamish Cameron pour The Sprawl et Jason Pitre pour Sig, des seigneurs, des princes. Enfin, ça a été un plaisir de bosser avec eux, incroyablement disponible, etc., etc. Enfin, donc, voilà. Et encore une fois, c'est aussi l'idée pour tous les gens qui ont acheté en VO, de leur fournir une bonne raison de repasser à la caisse, d'acheter un truc que finalement ils ont déjà eu, quoi. Donc, soit tu rajoutes des trucs, soit t'as une meilleure version. Après, je sais que tu avais justement, Hamish Cameron disait que la VF était la meilleure version de The Sprawl à un moment. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit. J'étais assez content de ça. Voilà. Qu'effectivement, ils avaient repéré tous les trucs qui pouvaient pas aller. Parce que bon, il y avait des fois des reprises dans le texte, mais sauf que tu avais une ancienne version et que ça n'avait pas été impacté sur la suite. Donc du coup, tu avais des incohérences en gros, ce genre de choses. Mais donc ouais, en gros, tu te fais chier à faire du bon boulot et c'est vrai que c'est agréable quand t'as des gens qui le remontent. Et surtout, en plus, c'est la personne qui en fait, qui est quand même un peu l'auteur du jeu, quoi. Du coup, j'espère qu'ils sentent qu'il y a quand même énormément d'amour, parce que tu passes énormément de temps dessus, et du coup, j'espère qu'ils le prennent pas mal, quoi, quand ils remontent. Mais encore une fois, ça me semble normal vu notre niveau. Enfin, on n'a pas des centaines de playtesteurs, on n'a pas des dizaines de personnes à chaque étape de la prod. Donc, forcément qu'il va y avoir des trucs qui passent. Ça, je pense que c'est important. Parce qu'effectivement, quand tu bosses, surtout quand en gros, tu fais tout toi-même, il y a un moment où tu t'en as marre déjà de Tu détestes ce que, enfin, tu détestes ce sur quoi tu bosses, t'en as marre, t'as juste envie de finir. Tu vois plus rien. Mais, de toute façon, c'est marrant. De toute façon, t'en as marre, t'as juste envie de finir. Voilà. Et puis, de toute façon, il y a aussi c'est un peu la solitude de l'auteur, en fait. Et du coup, c'est le moment où tu peux justement rompre cette solitude. C'est quand tu fais appel justement à un éditeur. Donc, effectivement, relecteur éditorial, en gros. Pas maison d'édition, mais du coup, effectivement, l'éditeur dans son rôle de relecteur éditorial. Et je pense que c'est extrêmement important. Et donc, du coup, effectivement, moi, même si je suis aussi éditeur, mes textes, je les fais relire par un relecteur éditorial autre. Et donc, je fais appel à, en général, un très bon ami, effectivement, qui s'appelle Benjamin Coupy, Macbeth. Donc, on a des échanges de bons procédés, c'est-à-dire que je m'occupe de la maquette, du quarantenaire, du recueil de scénarios pour le quarantenaire de entendu le drôle, de la cour de Perron. Et en gros, voilà, en échange, il relit mes textes. Et donc, ouais, je fais clairement appel à lui, et ça me permet d'avoir un œil externe. En plus, comme on est amis, il sait qu'il n'a pas besoin de prendre particulièrement de pincettes dans ses relectures. Donc, je sais que s'il y a un truc qui ne va pas, par exemple, j'ai aussi fait appel à lui pour Berlin 18. Du coup, c'était aussi de la création, hein, finalement. Et donc, du coup, pour avoir vraiment quelqu'un qui vienne me dire si ça va, ça passe, ça a l'air bien, etc. Et surtout qu'en plus, il est et on a un peu les mêmes goûts, on va dire. Donc, on est à peu près sur la même tendance. Et en plus, ouais, c'est un chieur de qualité. Enfin, voilà, il est encore un peu plus perfectionniste que moi, mais voilà. Mais donc, c'est parfait. C'est tout ce dont j'ai besoin chez un relecteur éditorial. Donc oui, faites appel à quelqu'un, faites un relecteur éditorial, pas juste un relecteur orthographique, et du coup c'est vraiment un métier, donc c'est pas juste, même si vous le mettez sur Itch.io, etc., vous allez avoir des retours, des fois c'est important, mais c'est pas forcément les mêmes retours qu'un éditeur, et donc c'est important. Et du coup, quand c'est de la création ou quand tu n'as pas accès aux illustrations de la VO, comment tu fais pour justement trouver des illustrations pour illustrer les jeux que tu crées ou que tu traduis? Alors, ça, le problème, effectivement, c'est que contrairement à nous autres pauvres auteurs de textes, les illustrateurs, ils arrivent à bien mener leur barque et à demander à être payés décemment. Donc, ce qui n'est pas le cas pour les textes en règle générale. Donc, il faut avoir un budget pour avoir des illustrateurs. Et du coup, bah, moi, j'ai pas de budget. Donc, effectivement, c'est aussi pour ça. Donc effectivement, quand je fais des financements participatifs, là, je peux prévoir un budget, mais j'évite de faire des financements participatifs, donc j'ai pas de budget. Ce qui veut dire que ça me pose un problème d'un point de vue éthique. Donc effectivement, les financements participatifs, j'ai pas développé plus. Je pense que maintenant, on a à peu près conscience des problématiques d'un financement participatif. J'ai bien conscience des avantages d'un financement participatif. Hein, j'en ai fait deux. Bon bref, donc je connais. Mais c'est effectivement énormément de stress. C'est extrêmement compliqué aussi quand tu fais de la création et en plus dans le milieu francophone, parce que, enfin, je veux dire. Quelle reine sera un nouveau jeu? Ben, tout le monde s'en fout, quoi. Comment est-ce que tu vas peut-être réussir? Tu vois que les financements participatifs, ça réunit, pour les indés, hein, je parle, ça va réunir genre 200 personnes, peut-être 250, 300. C'est un immense succès, 300 personnes. Tu peux pas financer un jeu avec ça, quoi. Et donc, du coup, c'est un peu un problème. Et en plus, se rajoute à ça le fait que je fais l'impression à la demande. Donc, du coup, c'est pas un format qui me permet de faire de financement participatif. Il faudrait juste que ce soit un financement participatif pour le PDF, en gros. Je peux pas financer un jeu comme ça, quoi, clairement. Donc, ouais, et puis évidemment, ça prend du temps, ça c'est du stress, et en gros, il faut avoir un budget d'avant, puisque il faut que tu aies déjà tes illustrations, plus ou moins, ou en tout cas certaines. Tu peux faire un Kickstart, et c'est cool d'avoir un kit de découverte, mais ce qui va vendre, ça va être principalement les illustrations, quand même, effectivement. Mais ouais, donc tout ça pour dire que, ouais, pour toutes ces raisons et plus, si affinité, j'arrête, enfin, je fais pas, même si ce serait effectivement la meilleure chose à faire. Mais voilà, encore une fois, de la même manière que je vais pas exploiter les auteurs que je vais publier, je vais pas faire de financement participatif. Je sais que c'est pas ce qui est intéressant financièrement pour moi à faire, mais voilà, non, tant pis. Donc ouais. Donc pas de budget pour l'illustration, ce qui veut dire comment tu fais. Ah, donc moi je suis pas illustrateur non plus, je suis un peu graphiste, donc je peux faire un peu des trucs. Hein, je peux. Alors, ça permet de parler. Ouais, voilà. C'est ça, ce genre de choses. Parce que après, donc du coup, tu vas avoir, tu peux dire, bah ouais, mais il y a les IA maintenant, tu peux faire des illustrations, etc. Mais justement, voilà. Voilà, justement, bah non. Là, c'était le moment où je disais tout le mal que je pense des IA et qu'elle était à peu près d'accord avec moi, mais je vais pas, j'ai tout perdu de l'enregistrement, donc je vais pas m'amuser à vous dire à nouveau tout le mal que je pense des IA, mais ça pose plein de problématiques, que ce soit éthique, écologique, bref, les IA, c'est de la merde, j'aime pas ça. Ah bah c'est du vol, ouais, clairement, ouais. Ouais, puis tu peux très bien juste décrire, bah, le prisonnier, c'est The Rock avec une barbe blanche, etc. Et t'as le même effet, tu vois? Donc, bref. Plus, t'as des magnifiques illustrations de Guillaume Jantet dessus, donc de quoi tu te plains? T'as tout ce qu'il te faut, t'as pas besoin d'IA. T'as un illustrateur talentueux. Ouais, donc pour toutes ces raisons, effectivement, voilà. Mais donc même si t'as pas de budget, il y a des moyens pour illustrer, effectivement. Mais du coup, ça fait partie comment dire, des contraintes que tu vas avoir pour la création de ton jeu, en fait. C'est-à-dire déjà réfléchir avant même la conception du jeu à, OK, qu'est-ce que je vais avoir comme ressources disponibles, du coup, à quoi je vais pouvoir faire appel. Par exemple, pour Passionnés à la Passionnée, c'est que des illustrations libres de droit. Quelques-unes, effectivement, mais en gros, même en VO, c'est des illustrations libres de droit, en gros. Ouais, majoritairement, effectivement. C'était bah ouais, je pense que c'est peut-être Avatar qui a aspiré toute la thune, et du coup Passionnés à la Passionnée, c'est il y a un peu moins de ressources. Ouais. Mais effectivement, quand j'ai eu un peu cette révélation de, oh, il faut que je fasse une maquette magazine, en fait. Du coup, après, ça m'a permis de dire, OK, donc il faut que ce soit graphiquement qu'il y ait beaucoup d'illustrations, mais du coup, il faut que ce soit des illustrations libres de droit avec des personnes latino dedans. Et donc, bah ouais, tu perds beaucoup de temps à, enfin, t'investis beaucoup de temps dans la recherche d'illustrations, etc. Non, après, il y a quelques sites où il faut aller, effectivement, qui sont a priori sûrs, mais effectivement, faut bien regarder un peu partout, quoi. Après, ça reste, donc déjà, dans Passionnés, c'est des photos, en gros, donc pas des illustrations, pas des images. Donc du coup, c'est un peu, pour l'instant, il n'y a pas trop de, c'est, les IA n'ont pas encore trop touché à ça. Et sur les illustrations, effectivement, ça se repère encore, hein, suffisamment. Enfin, il y en a certaines où tu repères, même quand t'as mis genre pas d'IA, il y en a certaines tu vois que c'est quand même des IA. Mais c'est vrai que ça se repère, quoi. Puis c'est un style aussi. C'est vraiment un style. Il y a une uniformité dans le style. Ouais, il y a des artefacts, des anomalies, des trucs comme ça. Bref, tu repères, quoi. Donc, comme je disais, des fois, tu as des mauvaises surprises. C'est-à-dire que tu te rends compte que les illustrations ne sont pas au bon format, pas de bonne définition. Ah ben non! Non mais l'illustration originale n'a pas la bonne définition. C'est ça, quoi. Typiquement sur SIG, c'est le cas, quoi. C'est ça. Ben, ça arrive. Ben, quand tu sais pas, quoi. Ça peut arriver. Bref. En tout cas, et puis après, il faut aussi donner le bon format. L'illustrateur, il peut pas savoir. Il fait une illustration. Peut-être que, voilà, si tu lui as pas donné le bon format, ben, voilà. Donc tu vas avoir des fois des mauvaises surprises comme ça. Ah, et donc, bah, du coup, tu vois, il faut bricoler, quoi. Donc, et du coup, j'ai appris à bricoler pendant toutes ces années. Comment tu fais? Tu vas vectoriser pour agrandir, etc. Ou tu vas essayer de retoucher, tu vas essayer de, bon, tu fais ce que tu peux, quoi. Mais tout ça, donc ça, c'est plutôt des mauvaises surprises, et c'est en général assez dur à corriger par derrière. Alors que c'est plus simple, justement, typiquement donc je reprends l'exemple de Passionnés à la Passionnée. Quand tu sais à l'avance ce que tu vas faire, ça te permet, du coup, en gros, de gérer toute cette phase de préparation. Parce que si tu te retrouves avec le, alors voilà, j'ai mon idée de, je vais publier mon jeu, il est comme ça, tu as tes illustrations, tu as la mauvaise surprise, du coup, tout tombe à l'eau, quoi. Donc, mais c'est plus simple de, justement, quand tu as prévu, quand tu sais ce que tu vas faire, voilà, quand tu as bien géré ton projet, et que tu as tout prévu à l'avance, c'est beaucoup plus simple, quoi. Donc, mais voilà, ça fait partie effectivement des joies de la vie d'un éditeur indé, quoi. Débrouille avec, tu bricoles, quoi. T'essayes de faire ce que tu peux avec ce que t'as pas le budget pour. Du coup, tes jeux, on les retrouve où? En fait, on l'a pas dit aux gens. Où est-ce qu'on retrouvait tous tes jeux? Pour les PDF, je suis sur Itch.io, je suis sur Lulu aussi quand même malgré tout, et je suis aussi sur Drive-Thru. Donc, effectivement, idéalement, passer plutôt par Itch.io pour le PDF. Et puis, ouais, pour l'impression à la demande, effectivement, Lulu. L'impression à la demande, ça a le grand avantage de ne pas avoir à avancer de l'argent lorsqu'on est le créateur qui va faire imprimer ses livres. Mais il y a aussi d'autres inconvénients, dont un prix unitaire plus élevé, une qualité qui est parfois un peu moindre par rapport à une impression classique. As-tu déjà réfléchi à passer par une impression plus classique? Alors, encore une fois, oui, ce serait bien. Il y a énormément d'avantages, effectivement, à avoir une impression classique. Encore une fois, on est quand même sur des petits tirages, donc c'est toujours un peu le souci. C'est-à-dire qu'idéalement, il faut faire 250 tirages. Des fois, j'ai des jeux qui vont pas avoir 250 ventes, donc ventes papier, hein, du coup, hein, on parle. Donc, clairement, exactement. C'est du stockage, c'est de la logistique, et ça m'emmerde de faire cette partie-là. Et puis, bah après aussi, voilà, il y a peut espérer peut-être que du coup, ça évite d'imprimer pour rien des plein de trucs. Enfin bref, il y a aussi un peu des considérations écologiques. Je sais pas ce qui est le mieux. Faire de l'impression à la demande, idéalement, il y avait, sauf en cas de gros succès, le fait que seuls les gens qui veulent vraiment imprimer impriment, finalement, surtout s'il y a moins de 250 exemplaires, c'est peut-être plus écologique de faire de l'impression à la demande. Je sais pas trop. Du coup, j'imagine qu'en passant par l'impression à la demande, tu te coupes du circuit traditionnel et des boutiques spécialisées. C'est compliqué effectivement pour les boutiques, notamment parce que bah, pour qu'elles vivent, il faut qu'elles prennent une grosse marge. Et du coup, c'est vrai qu'en impression à la demande, donc si elles se prennent une grosse marge, etc., etc., c'est pratiquement pas intéressant pour moi de vendre en boutique. Mais bon, après, voilà, c'est intéressant quand même de soutenir les boutiques, puis c'est quand même intéressant d'avoir aussi d'être présent en boutique pour que les gens découvrent, en fait, que les gens connaissent. Je suis pas suffisamment connu pour, en tout cas à l'époque, pour intéresser les boutiques. J'avais pas de contact avec les boutiques, donc c'était. Il n'y avait pas d'intérêt, je pense. Je pense pas qu'elle l'aurait pris. Mais après, voilà. Là, actuellement, des fois, j'entre en contact avec des boutiques. Et en gros, elles passent par Lulu pour imprimer. J'ai eu récemment un peu un souci là-dessus, justement. Mais en gros, voilà. C'est rare quand même d'avoir des boutiques qui sont intéressés à moins, enfin voilà, juste à moins de leur proposer de gagner absolument rien dessus. Mais du coup, c'est très dur d'avoir des boutiques qui sont intéressées, qui vont te prendre même en ayant une marge qui, à mon sens, serait relativement décente. Mais après, il faut dire ce qui est. J'ai l'impression que pour les boutiques, c'est pas la joie non plus, quoi. La période économique est pas folle folle, quoi. Et donc, bah, ça s'impacte aussi sur les boutiques. Alors, il y a eu un impact aussi sur nous, les créateurs, enfin, tout ce qui est impression, etc. Typiquement, Lulu, les frais ont augmenté. Du coup, c'est un secteur qui va un peu mal, quand même. Et évidemment, quand t'es un petit, bah, voilà, t'as pas de trésor, t'as pas les reins pour supporter ça. Et les boutiques restent quand même des petits, quoi. Pas du tout disponible en boutique du tout. C'est chez certaines boutiques, si. Donc, il y a Trollune, Philibert. Enfin voilà, il y a quelques boutiques qui sont quand même qui sont comment dire intéressées par les indés, quoi, et qui proposent. Mais voilà, ça reste. Et bon, après, il y a aussi la question de ça prend du temps de les contacter, qu'elles te répondent et qu'on se mette d'accord et qu'on arrive à faire un truc. Enfin voilà, donc tout ça c'est du temps en fait. Encore une fois, quand t'es tout seul à tout faire, y a des tu t'es obligé de partager. La discussion est déjà bien longue. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose avant de te remercier pour cet entretien et de te laisser créer des jeux? Je pense qu'on a à peu près fait le tour. On voulait peut-être juste, très rapidement, dans les créations, il y avait peut-être abordé donc le projet Silo, effectivement le truc que je voulais, le truc sur lequel je vais bosser par la suite, et peut-être aussi parler rapidement de cœur de Hearts of Ulin, en fait, pour la à la rentrée. C'est peut-être juste les de futurs projets, ouais. J'ai pas forcément grand-chose non plus à dire, surtout sur le projet Silo. Je vais déjà parler de Hearts of Wulin, en fait, qui est en gros un jeu propulsé par l'Apocalypse, qui permet de faire du Wuxia. Si vous vous souvenez de Chine, si vous vous souvenez de tous ces jeux-là, en gros, ça permet d'émuler Tigre et Dragon. C'est vraiment ça, quoi. Il y a ce côté... on va combattre à l'épée, mais ce qui est important, c'est nos sentiments, en vrai. Et on va régler notre amour, notre devoir, notre rivalité. Et c'est ça qui est plus important. Et en combattant sur les, en marchant sur l'eau, etc., etc. Bref, donc il y a tout cet aspect-là. Donc il est extrêmement sympa. Ça fait avec Passion de la Spationesse, ça a été. Alors lui, je le connais depuis longtemps, mais il est sorti plus récemment aussi. Mais du coup, ça fait avec Passion de la Spationesse, c'est un jeu auquel on a beaucoup joué l'année dernière, qu'on continue de jouer d'ailleurs aussi cette année. Vraiment excellent, qui est un gros gros coup de cœur. Donc a priori, là, je finis la traduction, donc je pense qu'elle devrait. Ça va attendre la rentrée, quoi, mais à la rentrée, il devrait y avoir la VF, effectivement. Il y a des suppléments, etc. Donc, ça aussi, c'est prévu par la suite. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cœur de Hearts of Wulin, qui est vraiment très, très, très sympa, que je conseille abondamment. Oula, je suis perdu. Le jeu, c'est Hearts of Wulin ou Cœur de Wulin? C'est quoi le nom du jeu? Ouais, parce que j'ai. Le titre va être traduit, c'est pour ça. Mais du coup, pour que les gens savent comme la VF n'existe pas encore, c'est Hearts of Wulin en VO. Intéressant ça de traduire aussi le nom du jeu et pas seulement le contenu. Pour avoir un nom vraiment VF. Par contre, pour The Sprawl, t'as pas traduit. The Sprawl, c'était compliqué à traduire. Il y avait pas trop, ouais, il y avait pas trop, ça avait pas trop de sens de le traduire. Hearts of Wulin, je pense que ça peut se traduire. Après, j'ai pas encore rendu ma traduction auprès de l'auteur, donc si ça se trouve, il va me dire non pour la traduction du titre. Je sais pas. Donc peut-être que ça va être Hearts of Wulin. Donc c'est pour ça. Mais de toute façon, vous connaissez pour l'instant Hearts of Wulin. Si vous devez chercher, regarder, vous intéresser, etc. C'est Hearts of Wulin. Peut-être que ça sera Cœur de Wulin à la sortie. Peut-être pas. On sait pas encore. Mais bon, là, je finis en tout cas la partie traduction. Mais ça devrait sortir pour la rentrée. Donc ouais, juste très sympa. Le truc, c'est que j'ai fait un moment donc j'ai regardé une série télévisée qui s'appelle Silo. Je sais plus qu'à un moment il y a quelqu'un qui disait ah, qu'est-ce que vous avez regardé comme série télé récemment, etc. Et j'ai dit voilà, je parlais de Silo, qui est une série télé qui est très sympa, que je vous conseille de regarder. Elle est vraiment vraiment très sympa. Donc en gros l'idée c'est ça se passe dans un silo. D'où le titre. Donc c'est une société un peu oppressive, etc., etc. Mais voilà. Donc je vous invite à le regarder. C'est basé sur des bouquins. C'est sur Apple Plus, Apple TV Plus. Donc il y a une première saison et la deuxième saison a été renouvelée. Donc voilà. Même si vous regardez juste la première saison, je pense que ça se tient. Ça finit sur un peu une sorte de cliffhanger, mais ça se tient plutôt bien. C'est incroyablement bien joué. Enfin c'est très, très, très, très, très, très sympa. Et je trouve que ça cadre bien à du jeu de rôle, en fait. Et j'avais commencé à. En gros, étrangement, pour une fois, j'ai commencé par faire des concept art, en fait. Et donc, c'est du coup les trucs que j'ai un peu diffusés. J'avais un peu cette vision, effectivement, en gros, un peu de la présentation du livret de personnage, avec la tête du personnage, jouer. Je voyais, voilà, ce sera juste là. Du coup, ouais, avec la graphiquement, de faire quelque chose de spécifique avec une couleur, enfin voilà, avec une bichromie assez intéressante. Puis voilà, la présence. C'est moi ou il y a une petite vibe Morgan? Pas exactement, non. Dès qu'on fait un truc un peu graphique, c'est genre, ah, c'est Mark Borg. Non, c'est pas exactement la même chose quand même. Non, pas tout à fait. C'est ça. Ah, il y a des couleurs! T'as des couleurs, c'est Morgborg du coup. Non, pas exactement. Et puis il y a une bichromie effectivement qui était assez forte, assez prononcée. Donc il y avait ça, et aussi une illustration qui est en ASCII en fait. Du coup, vraiment, Donc, reprendre une image libre de droit et la basculer en ASCII, qui fait un truc assez sympa en fait, et du coup qui correspond un peu à cet univers. Donc voilà, donc j'avais en gros, justement, puisqu'on parlait des ressources graphiques, ça me permettait de figer un peu mon besoin en graphique, et donc de savoir que, ok, je peux sortir le jeu puisque je peux l'habiller graphiquement. Donc c'est important. Ah, donc ça veut dire que je peux faire développer le texte puisque je vais pouvoir habiller graphiquement tout ça. Parce que si tu sors juste un texte avec que du texte, les gens vont, ça va pas marcher, je pense. Je pense que les gens vont avoir du mal. Donc c'est important de réfléchir en amont à un peu tout ça, et donc d'avoir une réflexion un peu projet, quoi. Parce que j'ai été un peu chef de projet, donc du coup c'est des réflexions que je vais forcément avoir. Donc savoir graphiquement comment ça va se passer dès le début, bah, ça permet de savoir si tu peux te lancer dans le projet ou pas. Donc, du coup, en gros, j'avais mon feu vert mental sur, OK, si j'ai envie, donc c'est pas encore, j'ai pas encore écrit le texte, il y a plein de questions que je me pose encore sur le jeu en tant que tel, mais en gros, j'ai un peu un feu vert. Je pense pas forcément, ce sera peut-être plus soit un Belonging, soit un Card from Bridlenwood. Donc voilà, donc une sorte de cousin des PBTA, hein, malgré tout, mais voilà, pas un PBTA pur juste, a priori. Donc voilà, ça va être un. Voilà, mais après, il y a encore plein de questionnements, et du coup, j'ai pas encore vraiment réfléchi au jeu en tant que tel. Mais du coup, c'était surtout pour moi ce qui était important, c'était d'avoir un jeu qui parlait de lutte contre l'oppression, de résistance ouais, de rébellion, en fait. Et clairement, en fait, du coup, avec je l'ai écrit, il y a, enfin, c'est concept art et c'est recherche, en fait. C'était il y a quelques mois, en fait, que j'ai commencé là-dessus. Et effectivement, l'actualité, en gros, a un peu rattrapé tout ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai envie et j'ai un besoin de sortir un jeu qui va aborder là-dessus. Je pense qu'aussi les prochains jeux que je vais aller chercher en VO. Je pense que ça va être aussi un peu des jeux qui vont parler de ça, qui vont parler de lutte, de résistance et de soulèvement, enfin de résistance à l'oppression, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ce besoin-là qui s'ajoute. Tu as déjà pensé à créer ton système de A à Z plutôt que de prendre un PBTA ou un autre système existant et de l'adapter à ta sauce? Alors, déjà là-dessus, je suis pas forcément complètement d'accord. Typiquement sur Dominion, genre tu prends pas un PBTA quoi. Dominion, j'ai créé le système. Donc du coup, tu crées le système quoi. Apocalypse World et les dérivés apportent quand même une certaine structure de base sur laquelle tu te bases. Ouais, vaguement, ouais, c'est des principes. Ouais, j'en ai fait hein, des jeux comme ça, notamment sur Tipeee et Patreon. Mais en fait, le truc, c'est que tu gagnes du temps énormément quand tu pars sur une base comme ça. Ça va pas forcément. Encore une fois, ça veut pas dire que tu as tout fait, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une vision, déjà d'avoir une vision des. En gros, t'as les murs quoi, en quelque sorte. Tu sais où tu vas aller. T'as du boulot à faire, mais t'as quelque chose de solide sur lequel tu peux te baser et c'est assez utile. Je sais pas si on en a pas trop parlé, mais c'est assez utile quand t'es, enfin tu vois, quand t'es un peu tout seul à avancer. C'est le genre de truc tu peux facilement être démotivé, etc., etc. Et d'avoir déjà une base solide sur laquelle tu peux construire, je conseille. C'est bien, ça permet d'avancer. Question qui n'a rien à voir, je passe carrément du coq à l'âne, mais pourquoi ce pseudo de Kedren? Pourquoi Kellerren? Alors, en gros, à l'époque, quand j'ai commencé à être sur Internet, je faisais une partie du jeu de rôle des Terres du Milieu. Et donc, je me suis. Ouais, le vieux JRTM. Moi, j'ai débuté sur Rollmaster. Donc, voilà. Donc, mais bref, toujours est-il que je m'inscris sur la première fois sur Internet. Et je m'inscris sur la cour de Béron, en fait. Et du coup, j'ai besoin d'un pseudo. Et donc, c'est la première fois que j'ai besoin d'un pseudo. Et donc, je n'avais pas de pseudo, hein, évidemment. Et du coup, vu que c'était JRTM, la cour de Béron, c'était quand même tirage, etc. Donc, c'était clairement très Tolkien. Et que je faisais une partie de JRTM. Et en fait, en vrai, j'écrivais une nouvelle basée sur la. C'est une sorte de compte rendu un peu, mais via un personnage en fait qui était le personnage qui racontait les histoires des PJ. Et donc j'ai pris le nom de ce personnage. Donc a priori, si je dis pas de bêtises, Kalren, effectivement, c'est, je l'ai construit avec en prenant un peu des noms tolkieniens. Donc voilà. Donc ça vient de là en fait. Ça vient de mon inscription sur la cour de Béron au début des années 2000, dans ces eaux-là quoi. Ouais, ça doit être ça, 2000. Donc voilà. Donc il y a pas vraiment de, donc il y a pas vraiment de, y a pas vraiment de raison super absolument géniale. Et du coup, je l'ai gardé par la suite parce que quand je participe à des concours de création de jeux de rôle, je concourais sous pseudo puisqu'on était sur des forums, donc je conservais toujours le même pseudo de forum. Et donc quand j'ai basculé professionnel, bah j'ai conservé mon pseudo en me disant que peut-être j'avais un début de notoriété. Ouais. Bah en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. C'est vrai que j'ai peu ça. Ouais, c'était pas un souci. J'ai tendance à être bavard, surtout qu'en plus, comme j'en ai assez peu finalement, je suis assez peu invité, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter, en plus de pouvoir discuter de création, d'édition, etc. Pas juste, tu vois, venir vendre ma soupe. Ouais, de bitcher un peu surtout. Enfin voilà, de discuter un peu jeu de rôle et pas juste de venir vendre ma soupe, parce que bon, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est vrai que c'est plus cool de. C'est cool, c'est gentil. Merci, j'essaye d'en vivre, et donc c'est dur. Donc, toute vente. Tout achat est vraiment aide beaucoup. Non, pas vraiment, non. Non, non. C'est clair que enfin, c'est très, très, très dur. Et comme je le disais en plus, en fait, il y a une. Du coup, on va déborder encore un petit peu. Il y a une. Il y a quand même un côté. Il faut constamment produire, en fait. Il y a une sorte de spirale de là. Il faut produire, il faut sortir, il faut vendre. Après. Clairement, le meilleur choix, effectivement, c'est d'être informaticien de jour et puis de temps en temps de bosser un peu sur ton jeu et de le sortir. Hein. Faites ça si vous pouvez, faites-le. Mais voilà, après, quand on n'a pas la possibilité, quand c'est vraiment son boulot alimentaire, c'est énormément d'angoisse et une vie extrêmement dure et une vie extrêmement précaire. Effectivement, les artistes, de manière générale, pas seulement dans le milieu du jeu de rôle, mais c'est vrai, encore plus dans le milieu du jeu de rôle, puisqu'on est extrêmement mal rémunéré. Ah ouais, c'est une galère sans nom, donc et c'est voilà, pensez à tous ces artistes soutenez-les dès que vous pouvez quoi, évidemment. Encore une fois, c'est dur pour tout le monde, donc c'est compréhensible que vous puissiez pas, mais si vous pouvez et je vais peut-être juste en parler rapidement aussi. Il y a pas que le soutien financier qui est important. Comme je le disais, le fait que typiquement je suis assez peu à faire de la communication, à faire de la promotion, ça me prend du temps et du coup ça m'empêche d'avancer sur les jeux, puisque quand tu fais la promo, tu peux pas créer, etc., etc. Et quand tu crées, tu peux pas faire de la promo. Donc ouais, n'hésitez pas à promouvoir les gens, à parler des jeux que des petits jeux, des petits auteurs indés auxquels vous avez pu jouer. N'hésitez pas à en parler sur les forums, sur les réseaux, liker, republier derrière, partager, etc. C'est extrêmement important parce que sinon, autrement, on parle plus que des gros jeux, quoi, en fait. Et c'est un appauvrissement en termes de culture. Typiquement, on a parlé d'insurrection. C'est très bien, justement, de mentionner tous ces jeux-là. On parlait de l'insurrection, qui est un jeu de rôle de Melville Tilpulven, illustré mis en page par Wilka Bourdin. On joue justement des histoires de révolution. Je rebondissais sur les envies de jeu de Kellren, parler de révolution, tout ça. Mais j'ai peur que ce qu'on en ait dit est coupé au montage, donc je reparle là vite fait. C'est un Bob, ça a l'air vachement chouette, et voilà. Parce que bah y a peu de gens qui vont en parler. Donc voilà, mettez 5 étoiles et postez des commentaires. Enfin voilà. C'est aussi important, c'est aussi un soutien et moral et en termes de visibilité. Ça soulève. Ouais voilà. Juste au moins faire ça effectivement. Voyons petit. Ouais, voilà. Mais déjà faire ça c'est extrêmement important et ça aide énormément quoi. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui le font. Qui soutiennent, qui partagent, etc. Effectivement, ça. Surtout quand on commence à faire ça depuis très longtemps, vu les temps qui sont durs, c'est vrai que c'est extrêmement important. Voilà. Merci beaucoup. En parlant de partage, tu es aussi la personne qui partage très régulièrement les codes de promotion pour Lulu.com, la plateforme d'impression à la demande que tu utilises pour tes livres, qui fait régulièrement des petites promotions, et tu partages les codes de réduction très régulièrement. Merci à toi. Il y en a toutes les semaines, mais je le fais que tous les 15 jours quand il y a la plus grosse promotion. Mais ouais, effectivement. Après, si vous achetez pas d'impression, faites l'impression à la demande, ça va pas trop vous intéresser. Mais ouais. On essaye de, surtout on essaye de parler un peu de tout ce qui peut sortir. Enfin, j'essaye de des fois aussi de promouvoir un peu les autres. Je sais que s'il y avait, ça fait un bail qu'il n'y a pas eu de la semaine des 5 étoiles ou des trucs comme ça, mais voilà, des fois je parle aussi un peu des jeux qui sont sympas. J'avais participé à la semaine des 5 étoiles sur Itch. Le principe, c'est de mettre 5 étoiles à tous les jeux qui nous plaisent. Parce que ce qu'il faut bien comprendre pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, sur Itch.io, l'algorithme, il est un peu éclaté au sol. Si on met moins que 5 étoiles, ça va desservir le jeu. Parce que c'est classé en fonction du nombre d'étoiles. Et que du coup, si on a une moyenne plus basse que 5 étoiles, et ben on n'est pas mis en avant, on est relégué au fin fond d'Itch.io. Alors que si on a 5 que des 5 étoiles, c'est bon. Donc voilà, si vous aimez un jeu, mettez 5 étoiles. Si un jeu, vous le trouvez sympa, mettez pas 4 étoiles en vous disant 4 étoiles, c'est quand même pas mal, c'est plus que la moyenne, c'est bien. Non, Itch.io ne le mettra pas en avant et ça va au contraire desservir la personne qui a créé le jeu. Ouais, c'est la même logique que pour pas mal de choses, hein, genre pour les Uber, pour les trucs comme ça, enfin pour les quand t'as eu des calls, enfin si jamais t'as travaillé, tu connais un petit peu, si t'as travaillé en call center et des trucs comme ça, c'est pareil en fait. Si tu mets moins de 5 étoiles, si tu mets moins que la note maximale, en fait, ça pénalise la personne derrière. Donc si vous a plu, voilà. Si vous a pas plu, vous mettez rien. Et puis si vous a plu, s'il est juste, ouais, ok, il est cool. J'ai bien aimé lire, j'ai bien aimé jouer. Enfin, cool. Je soutiens. Vous mettez 5 étoiles. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment très binaire, effectivement, mais. Après, il faut aussi penser à aller noter les jeux, quoi, parce qu'il y a des fonctionnalités sur Itch pour savoir les jeux qu'on n'a pas notés, mais c'est pas toujours évident, surtout quand tu prends des méga bundles pour certaines occasions, comme les Cyberconv ou les causes palestiniennes ou je sais pas quoi, et du coup tu achètes entre guillemets plusieurs centaines de jeux d'un coup, et faut déjà avoir le temps de les lire, et puis après il faut aller les noter. Donc effectivement sur Itch.io, il y a énormément de méga bundles comme ça pour des grandes causes. Moi j'ai participé un peu sur pas mal de trucs. Il y a Palestine, il y avait c'est sûr. Et après bon, on va pas se leurrer, hein, dans les 600 jeux, il y en a peut-être pas, ils sont peut-être pas tous. Vous allez peut-être pas mettre 5 étoiles parce ils sont peut-être pas tous très très très bons, mais c'est pas grave. Après, des fois sur Itch.io aussi, il y a un côté un peu expérimentation, donc il faut suivre ça. Ça m'est arrivé de créer juste la page projet d'un jeu alors qu'il n'était pas encore terminé, de le mettre sur Itch.io pour déjà avoir une page quoi sur Itch.io et puis présenter mes premiers brouillons. Ouais, après c'est un peu dommage parce qu'il vaut mieux bon après on va pas rentrer dans les discussions de mais il vaut mieux le sortir une fois qu'il est plus ou moins sorti quand même, je pense, pour apparaître à ce moment-là. Bref, mais bon, peu importe. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup. C'était super plaisant de pouvoir discuter. Non, merci à toi. Et encore une fois, désolé pour le foirage complet de l'enregistrement. C'était une discussion très intéressante. Malheureusement, une partie de cette discussion restera dans mes souvenirs, puisque j'ai foiré l'enregistrement, que j'avais pas toutes les parties où je parlais moi, et que du coup, j'ai dû supprimer une grande partie de la discussion quand je ne pouvais pas reconstituer mon enregistrement, quand je ne savais pas à quoi tu réagissais, et voilà, j'en ai perdu une partie. J'espère néanmoins que ce petit moment restera à la hauteur de tes attentes et que les gens qui regarderont ou qui écouteront cet entretien apprendront des choses, parce que, en tout cas, moi j'ai appris pas mal de choses. Merci beaucoup, Kellren, et à plus.